Bonjour à tous et bienvenue sur Les Projets du Web, le podcast audio qui parle de l'actualité des projets et innovations du web. Nous sommes le mercredi 1er septembre 2010 et c'est l'épisode numéro 15. Bonjour à tous et bienvenue pour ce 15e épisode des Projets du Web, le dernier épisode de la saison 1, puisque donc dans une quinzaine de jours, si tout se passe bien, vous pourrez nous retrouver en live dans la saison 2, je sais pas trop comment on dit, version 2, saison 2, donc pas mal de nouveautés au programme, on vous en parlera peut-être un petit peu en fin d'émission, mais pour l'heure, je suis comme toujours accompagné donc de mes deux co-animateurs préférés, donc William et Lucas. Bonjour à vous deux, comment ça va? Salut. Ça va et toi? Bah, très bien. Plein de nouvelles pour cet épisode. Ouais, quelques-unes. Ça a été un peu dur, mais quelques-unes. Ouais, c'est les vacances, hein, ça bouge pas trop sur Internet. Mais... ouais, et puis pas trop le temps non plus, en plus. Donc, ouais. C'est un peu la galère en ce moment. Il y a que William qui fait rien de ses vacances, de toute manière. Donc. Bref, sans plus attendre, on va directement rentrer dans le cœur de l'émission. Donc, c'est parti pour la section projet. Alors bon, je vais commencer avec un projet qui s'appelle TW Contest, donc je suppose qu'on peut aussi dire Tweet Contest, enfin c'est pas explicitement dit mais c'est imprononçable, donc on va dire que c'est comme ça. C'est un site très récent puisqu'il a été lancé le 1er août dernier, projet encore jeune mais qui a quand même réussi à bien faire parler de lui, notamment sur Twitter. Puis il est déjà bien actif, il y a beaucoup de monde qui se balade dessus, on voit beaucoup d'activités autour du site. Donc le principe en fait, c'est que le site vous permet d'organiser un concours, par exemple pour votre blog, en s'occupant de l'organisation du concours, non pas de A à Z, mais en fournissant une plateforme qui facilite la gestion de ce type de concours. Donc en gros, je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais les concours sur Twitter, c'est un fonctionnement un peu particulier. En général, la personne qui possède le blog décide de lancer le concours et de permettre aux gens, en retweetant, de participer à ce concours, en retweetant un message. Et en fonction de ça, après, il est sélectionné dans les retweets une personne qui gagnera le lot. Et en fait, le site Tweet Contest, il permet de simplement s'occuper de tout ça, donc la gestion des retweets, de sélectionner une personne dans le lot et de mieux gérer en fait tout ça. Vous avez uniquement à vous rendre sur le site, à créer un compte et vous renseignez les informations par rapport au concours que vous voulez créer. Et après, il s'occupe de tout, de la gestion. Vous voyez tous les gens qui ont participé et vous pouvez tout gérer plus simplement via une page en fait d'administration. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez l'habitude de participer à ce genre de concours ou même vous avez déjà organisé ce genre de concours, William ou Lucas. J'ai déjà participé à quelques-uns et c'est vrai que je me suis toujours demandé comment ils faisaient. Alors généralement, tu sais, j'utilisais des hashtags, mais même avec des hashtags, peut-être que quelqu'un l'a utilisé alors qu'il ne fait pas le concours ou des choses comme ça. Donc je me suis toujours demandé comment ils se débrouillaient pour bien retrouver tous les tweets, tous les participants et choisir. Et là, je trouve que c'est super comme idée de tout contrôler. En fait, tu n'as pas besoin de te prendre la tête, tu mets ça dedans et... En fait, je pense qu'il se base sur les retweets parce que en fait, finalement, on peut à partir du moment où il y a une adresse URL dans un tweet, on peut sélectionner tous les tweets qui mentionnent cette adresse URL et du coup, il se base là-dessus et c'est pas spécialement les hashtags, mais l'adresse URL particulière qui a été mentionnée dans le tweet. Puis en général, les concours quand ils sont proposés, il y a toujours un compte Twitter. Quand on retweet, il faut toujours retweeter avec le compte Twitter de celui qui organise. Donc après, s'il a des clients comme TweetDeck ou autre, il a sa colonne mention ou colonne retweet et il verra tous les tweets qui ont participé. Il faudra qu'il relève les pseudos et il envoie un random là-dessus. Voilà. C'est assez long et laborieux. Là, au moins, avec ce site, tout est fait automatiquement, c'est pas mal. Voilà, il va récupérer tous les tweets en fonction, il fait le random, il permet de... Et ça donne vachement plus de visibilité à tous les concours, je crois. Voilà, en plus, ce qui est plutôt sympa, c'est que pour les gens qui simplement veulent participer à des concours, vous vous rendez sur le site Tweet Contest et vous avez donc les concours qui sont en ce moment en train de se dérouler. Et vous pouvez comme ça voir les lots à gagner et participer si vous êtes... vous allez perdre tous vos followers, quoi, mais vous pouvez retweeter tous les messages pour participer à tous les concours possibles et imaginables. Donc ça, c'est plutôt sympa aussi. si vous voilà, il y a pas mal de petits lots à gagner et tout. Si vous avez des choses qui vous intéressent, vous pouvez aussi y aller uniquement pour participer et non pour créer un concours. Donc faut se créer un compte exprès pour les concours, je pense. C'est le mieux à faire. Pour participer, tu veux dire? Ouais, au moins on saoule pas tous nos followers avec tous les concours. Ouais, mais ouais, non, c'est vrai. C'est vrai que dans le fond, il y a rien qui l'empêche. Donc voilà, c'est tout, je pense, pour Tweet Contest. Mais il y a un site encore jeune et qui a déjà pas mal d'activités, donc plutôt sympa, qui va faciliter la vie des blogueurs, quoi. Donc voilà, je laisse. Je crois que c'est William qui enchaîne, ouais. Avec. Ok, mais je te laisse William avec. Une petite application. Alors oui, donc une petite application développée en Adobe Air. Alors j'aime pas trop développer en Adobe Air, mais c'est pas grave. Et l'application s'appelle Shuffle Air. Et donc cette application, donc elle marche sur PC et Mac. Ça va nous permettre en fait de faire découvrir des nouvelles vidéos, donc qui sont liées à tout ce qui va juste être. Juste une donc... question. Oui. Je coupe. Mais le fait que ce soit Adobe Air, non, ça marche aussi sous Linux. Vu qu'Adobe Air est compatible Linux. Oui, mais tu le sais toi-même, c'est assez problématique pour l'instant Adobe Air. Ben, je sais que sur moi, Linux, ça quand marche pas j'étais sous très bien. Linux, j'utilisais TweetDeck qui tourne sous Adobe Air et j'ai jamais eu aucun souci. Ouais, à condition que tu sois sur Linux, pas en 64 bits, quoi. Parce que ouais, tout... ouais. Ah non, c'était Mathieu, excuse-moi. Oui, Ouais, c'est c'est moi. Mathieu. Je sais Parce pas que déjà. toutes les applications Adobe sont absolument pas optimisées pour 64 bits et du coup, c'est une grosse catastrophe sur Linux pour ça. Mais bon. Sinon, c'est vrai que dans le fond, ça permet d'être assez multiplateforme. Je crois même que c'est disponible. Enfin, oui, c'est disponible sur Mac. Donc, ça permet de. L'application est Oui, je portable. confirme, c'est aussi disponible sur Mac. Voilà, donc ça permet d'avoir une application qui est disponible sur les trois plateformes principales. Donc voilà, bah, je te laisse continuer, William. Bah, je profite du coup de ce détail sur Adobe Air pour préciser quand même que c'est malheureusement assez gourmand en ressources et l'application va s'en faire ressentir. Donc elle prend pas beaucoup de place, disons, sur le disque dur à installer, mais on va le sentir dans l'utilisation et dans la place en RAM. Donc ça, c'est le défaut qu'il va y avoir. Et donc en fait, ça va être un petit peu un agrégateur donc de tous les sites classiques. Donc ça va être YouTube, Metacafé, Dailymotion. Donc voilà, tous ces sites où il y a des vidéos assez généralistes, donc d'humour, comédie, enfin un peu tout, même de musique. C'est vraiment de pouvoir découvrir des choses qu'on aime. Ce qui nous met dans la petite vidéo de présentation, on voit notamment le nombre de vidéos qui sont uploadées juste pour YouTube. Ils se concentrent sur ce site de streaming. Et c'est hallucinant le nombre de vidéos qu'il y a par jour. Et évidemment, on peut pas toutes les voir. Et donc, en fait, le moteur de Shuffle Air se concentre donc sur ce qu'on a visité et il apprend au fur et à mesure donc ce qu'on apprécie. Et il essaye de nous cibler au mieux possible. Donc, c'est un petit peu comme Pandora, si certains connaissent. Voilà, donc il s'améliore au fur et à mesure et puis on a quelque chose qui est vraiment super bien ciblé. Et on a des petites options aussi un peu plus sociales qui vont être avec les amis, activités et buzz. Donc là, ça c'est pas mal aussi pour avoir, plutôt que de s'échanger par, je sais pas si on le fait encore par email, c'est peut-être plus sur Facebook maintenant, les vidéos à la con, les petits trucs drôles. Et le côté buzz aussi, c'est pour les vidéos un peu virales qui ont beaucoup de vues, par exemple 1 million de vues, je sais pas, en 3-4 jours. Donc voilà, donc ça permet de les mettre aussi en avant. Donc heureusement on a Adobe Air, j'aurais préféré peut-être autre chose. Mais voilà, c'est assez cool. Donc si vous avez vu un petit peu comment c'est, si vous intéresse aussi. Juste, finalement, au niveau de l'agrégation des différents services de vidéos, ça existait déjà avec Google Vidéo, finalement. Quand on faisait une recherche vidéo sur Google, on avait la possibilité. Après, il y a tout le côté social, buzz et tout ça qui est pas mis en, qui n'existe pas sur Google Vidéo. Mais Google Vidéo faisait déjà l'agrégation de tous ces services de streaming vidéo, je crois. Alors pas, enfin oui, mais pas tout à fait. Bon, déjà Google Vidéo, pour le peu de fois que j'ai pu tester, je sais pas vraiment comment ça marche. Enfin, c'est bizarre, c'est vrai qu'il y a des liens YouTube un peu partout. Il y a même à l'époque, enfin des vidéos qui sont encore sur le player Google Vidéo qu'il y avait au tout début, si tu t'en souviens. Et là, c'est un petit peu différent parce que c'est vraiment pour te proposer des choses qui vont vraiment aller dans ton sens. Et si tu aimes beaucoup, par exemple, regarder, je sais pas, un certain style ou des le une aide un petit peu pour choisir vraiment du contenu qui va te plaire. L'objectif, c'est ça, quoi. D'accord, ouais. Et Donc voilà, c'est c'est proposer des choses qui te plaisent, quoi. Après, le risque, en fait, c'est de rester toujours dans la même catégorie. Et des fois, tu peux sûrement aimer une vidéo, tu sais, qui a rien à voir du tout avec ce que tu regardes d'habitude. Ça, peut-être le problème qui va se poser si on n'utilise que cette application-là. D'accord. Oui, parce qu'à force de s'enfermer dans les vidéos qu'on peut aimer, on finit par ne plus avoir beaucoup de choix et se restreindre à un certain Ouais. type de vidéos. C'est ce qui me fait peur, voilà, dans ce genre de logiciel qui te focus vraiment sur ce que tu aimes. Du coup, tu découvres plus rien à côté. Et c'est un petit peu dommage pour la curiosité, mais. Après, ça dépend si leur algorithme est suffisamment bien foutu pour se dire, bah, tiens, il y a une grande partie des gens qui regardent ce type de vidéo, mais qui regardent aussi un type complètement différent de vidéo. Donc lui, on va lui proposer ça. Enfin, si c'est suffisamment bien foutu pour avoir une certaine ouverture au niveau de la proposition des vidéos, ça peut être sympa, quoi. Ouais. Enfin, voilà. Et bah voilà, donc c'est tout pour mon sujet. Je vais te lancer sur, alors quasiment le même nom, c'est chauffleur.fm. Voilà, il y a juste un E en plus. Je suppose en fait finalement que les deux ça s'appelle exact. Enfin, Shuffle R, voilà. ouais, Shuffler et Shuffler. Moi, la différence c'est que c'est Shuffler.fm. Donc Shuffler avec un E avant le R et .fm. Donc pour résumer le site, moi je dirais. Enfin, c'est un. J'avais une phrase que j'aimais bien. C'était un site qui te tient par la main et te balade à travers la blogosphère musicale. Ça, je pense que ça résume assez bien le principe. En fait, c'est très très simple. Vous arrivez sur site, vous sélectionnez une catégorie, enfin ils appellent ça des channels, et en fait, bah, voilà, la balade commence. Donc les channels, en gros, vous avez, c'est des thèmes musicaux, donc techno, rock, pop, tout ça. Et donc en fait, une fois que vous avez sélectionné votre channel, le site lance la musique en fait, qui est dans un player situé dans un bandeau en haut de votre navigateur. Et en dessous, vous pouvez voir le blog qui propose la musique. Donc, en fait, voilà, il va chercher sur différents blogs musicaux qui sont référencés sur leur site et en fonction de thème. Et donc, il vous l'affiche. Et une fois que la musique est finie, il passe à un blog suivant en l'affichant et en mettant la musique suivante. Donc, en fait, il vous balade. Vous avez absolument rien à faire. Il enchaîne blog après blog. Et automatiquement, voilà, les musiques s'enchaînent et correspondant au style que vous avez sélectionné. Donc le concept est plutôt intéressant, mais à mon avis, il y a tout un côté communautaire qui pourrait être intégré pour le rendre plus, voilà, plus social. Je suis très très dans la mouvance communautaire en ce moment, mais donc peut-être la possibilité, par exemple, de noter les musiques et de permettre d'augmenter la pertinence en fait de la suite des musiques qui sont pas forcément tout le temps finalement c'est des thèmes quand même assez larges et la pertinence d'une musique sur l'autre n'est pas forcément enfin à mon goût toujours très bien. Donc et peut-être justement la possibilité en fait de laisser aux gens de créer ses propres balades, enfin moi j'appelle ça des balades en fait en enchaînant différents blogs musicaux et en permettant voilà de proposer assez en fait c'est des playlists interactives avec l'affichage du blog quoi. Et je pense que ça pourrait être intéressant voilà de laisser la possibilité aux gens de créer leur propre balade musicale et de la proposer à leurs amis. Ça pourrait être je pense assez intéressant. Je sais pas ce que vous en pensez Moi, j'ai une question. Les blogs qui sont choisis, ils expliquent si c'est pris selon alors une certaine plateforme de blog ou c'est des blogs, une annuaire ajoutée au fur et à mesure, je pense améliorée et tout. que à la base ils sont partis d'un annuaire, mais en fait on peut voir très rapidement sur le site, bah, dès qu'on arrive sur la page d'accueil, avant d'avoir choisi son channel, en bas à droite, il y a un petit lien qui s'appelle Add Your Music Blog, qui permet en fait de proposer. Je ne sais pas si ça s'ajoute automatiquement ou c'est d'abord une proposition et c'est vérifié après. Je pense que c'est vérifié. En fait, vous pouvez voilà proposer votre blog qui sera ajouté après en fonction de la catégorie de musique et donc vous voilà, à la base ça doit être basé sur un certain nombre de blogs musicaux qui étaient reconnus et maintenant les gens peuvent ajouter leur propre blog. Donc je t'arrête tout de suite, Mathieu. Bah notamment pour le côté social. Alors t'en as parlé un petit peu avant, mais c'est vrai que Lucas est venu entre-temps. Et moi en fait j'ai pas envie de comment dire de m'occuper de playlists ou ce genre de choses. C'est un peu comme audio aussi. C'était un petit peu des live mix qui avait un petit peu partout autour du monde carrément. Et bah là c'est un peu pareil. Moi j'arrive dessus. Bon je sais pas, j'ai envie d'écouter un petit peu la joie du emo ou du death metal. Donc voilà je clique là-dessus. Et puis j'ai plus envie de me prendre la tête, tu sais, à configurer des choses comme ça. Là, on appuie, ça passe. A priori, ça reste à peu près dans le même style. Puis c'est le radio-blog qui passe, qui continue, et Voilà, moi je pense que c'est cool aussi d'avoir, tu sais, de rien faire, de pas s'occuper, se prendre la tête, tu cliques et puis hein, Ah voilà, non, mais tu laisses ça, passer quoi. ouais, ça, je suis d'accord que le principe, c'est vraiment de justement de ne rien avoir à faire et de se laisser porter. Mais je pense qu'il pourrait proposer, en fait, ça changera en rien l'expérience utilisateur des gens qui voudront vraiment uniquement le profiter comme ça en ne faisant rien, mais de proposer aussi en parallèle à d'autres gens d'interagir un peu pour rendre un peu plus pertinent, parce que ça l'est pas assez à mon goût. Et voilà, donc les deux peuvent cohabiter, le fait que les gens non seulement participent et que d'autres puissent uniquement être là en tant que consommateurs de musique. Et voilà, moi c'est ce que je pense, c'est que le fait de mettre les deux possibilités, en fait, d'offrir la possibilité à l'utilisateur. D'accord. Enfin bon, après, c'est peut-être pas l'optique que veut prendre le site. Et effectivement, il est basé. C'est vraiment le concept de base, c'est justement de tout faire à la place de l'utilisateur et le promener. Mais je pense que ça pourrait être intéressant de fournir les deux options. Enfin bon, ça, c'est à voir. Et de toute manière, il évoluera forcément un peu. Après, même au niveau de la technique, je suis pas. Enfin, le système en tant que tel, je suis pas convaincu non plus. Je pense que ça doit évoluer parce que le lecteur est léger et je le trouve pas toujours très Ouais, mais stable. on n'en a pas besoin. Donc c'est ça que, sur ça, on n'en a pas besoin, je pense. Non, je suis d'accord, mais il est pas toujours très stable. C'est plutôt ce que je veux dire. D'accord. Ok. Enfin, parce que encore une fois, je l'ai testé sur Chrome, sur Linux, et j'avais des problèmes au niveau de l'écoute. Je pense que y a du travail encore là-dessus, mais sinon, c'est vrai que le principe fonctionne et que c'est plutôt intéressant, quoi. Eh bien, figure-toi, je viens d'avoir un super timing parce que là, je viens d'avoir de la pluie qui vient de tomber et ça vient de Moodturn. Donc, Lucas, si je t'en prie. Donc oui, je vais vous parler de Moodturn, un site qui propose de nous plonger dans des ambiances sur différents thèmes. Alors, pour l'instant, il y a 10 thèmes qui sont proposés. Donc ça va des bruits de forêt aux bruits d'oiseaux, aux bruits du feu. Donc le site propose voilà, d'avoir un thème en fond sonore. Personnellement, j'ai pas vraiment adhéré. Déjà, de un, je vois pas trop l'intérêt d'avoir un thème en fond sonore. Et puis, je les ai pas testé les disques quand même, mais certains m'ont paru peu crédibles. Par exemple, celui de la forêt qui nous laissait une musique derrière, et celui du jardin avec une abeille, et c'est un son tout sauf agréable, quoi, une abeille qui fait du bruit. Après, le son en plus est vraiment faible. J'ai trouvé vraiment faible par rapport aux autres sons de l'ordinateur. Pourtant, j'avais tout monté à fond. Donc voilà, moi, c'est tout ce que j'ai à dire. J'en vois pas trop l'intérêt. Je sais pas si vous préférez, je sais pas. Ah bah je veux pas être content avec toi, mais tu aimes pas la nature, c'est pour ça Lucas. Ça doit être ça. Mais au niveau du son, bah écoute pas du tout, puisque là j'écoutais un petit peu de bah, justement de nature pendant que tu parlais, et c'était au niveau de ta voix même un peu plus. Donc moi au niveau du son par contre j'ai pas eu de soucis. Alors je sais pas si ça vient de Firefox ou de l'OS, peut-être que c'est ton MacBook qui déconne, hein, qui sait. Et Ah, tout de suite, tout de suite. ce que j'ai trouvé intéressant, moi, c'est que, voilà, c'est pour se relaxer, quoi. C'est des petits trucs, ouais, tu mets ça le soir avant de t'endormir. Voilà, c'est des choses pour éviter de mettre, parce que des fois, on n'a pas forcément envie d'avoir de la musique ou des choses comme ça. Et voilà, ça met des petites ambiances. Moi, c'est des trucs que j'aime bien. Alors, ça me relaxe pas tant que ça, hein. Moi, je peux écouter n'importe quoi, mais en tout cas, je trouve que c'est vachement agréable. C'est sympa, puis ça change un petit peu. Alors, par contre, les fonds d'écran sont, ouais, ils auraient pu être mieux. Ouais. Même si j'aime pas Bing a des fonds d'écran qui sont parfois plus sympas, plus colorés, plus jolis. Oh, Mais il y la en a des musique en tout sympas quand cas, même, ils sont pas tous non, dégueulasses. non bien évidemment, mais Par exemple, je pense justement dans le thème du feu, il y en a, ils sont franchement bien. ouais, mais ça, il pourrait faire juste un petit effort sur ce point-là des fonds d'écran, mais sinon moi je trouve que c'est vachement agréable. Après Mathieu, je sais pas comment toi tu vois ça. Alors là, je vais juste parler avec un regard extérieur. Je pense comprendre pourquoi William en a plus besoin que Lucas. C'est uniquement, Oulala, je pense que le fait que Lucas soit sur macOS et que William soit sur Linux, je pense qu'effectivement Lucas a plus besoin de se relaxer après une grosse journée sur Linux à se batailler avec son OS. Donc c'est peut-être pour ça que ça marche plus. Donc j'en sûrement je le voyais venir. Le beau petit troll, le beau petit troll. Sûrement donc un service à proposer aux gens sur Windows ou Linux. Je pense que ça pourrait fonctionner. Soutenez-moi ami PC. Il y a deux mecs en face de moi. Non enfin, mais non mais pour... un et demi. Ouais. Non mais par rapport au service en tant que tel, effectivement, enfin, ouais, je comprends pas trop l'intérêt non plus, surtout qu'en plus, ouais, dans la réalisation, je trouve pas ça parfait. Après, je pense qu'après une grosse journée de travail, pour certaines personnes qui sont amies de la nature, pourquoi pas. Mais en plus, je voudrais rajouter, là, je suis en train d'en écouter un de son, et en fait. Je sais pas c'est lequel exactement, mais ça fait une loupe, en fait. C'est le même bruit, la même note qui revient, mais toutes les 3 secondes. Le bruit du grillon qui revient toutes les 3 secondes, et c'est... Alors, enfin, franchement désagréable, justement. Ouais, mais de toute manière, là... C'est même pas un fond sonore enregistré, par exemple, pendant 5 minutes. C'est le même son qui revient, mais toutes les 3 secondes, et c'est dégueulasse. De toute manière, enfin, là c'est qu'un avis, après. Vous l'entendez pas, mais en fond sonore... Pour nos auditeurs, vous aurez le droit à une superbe petite musique d'ambiance pendant le moment où on parle justement de ce projet. Donc voilà, vous pourrez juger par vous-même pendant qu'on parle. Et vous verrez bien si vous êtes relaxé ou non. Donc pour bien couper le truc, on va parler de quelque chose qui nous a plutôt énervé. Enfin, Lucas et moi, je ne sais pas du tout si William, tu l'as testé en fait finalement. Mais on va parler de Empire Avenue. Donc si vous traînez un peu sur Twitter et tout ça, vous avez sûrement entendu parler de je sais même pas si on peut appeler ça un projet, de ce nouveau site en fait, qui propose, je pourrais pas vous expliquer ce qu'il propose, mais en gros je vais commencer après. Apparemment il propose une espèce de jeu de bourse entre les différents utilisateurs. Ouais voilà, c'est à peu près le principe, mais ce que je trouve encore plus intéressant à raconter, c'est plutôt notre expérience... finalement en commun Lucas et moi-même. Donc et puis alors on s'était pas du tout concerté, mais en parlant tous les deux, on a vu que ça finalement coïncidait exactement notre réaction sur le site. Mais ouais, en fait, donc moi j'ai vu le lien sur Twitter, je sais pas si c'était pareil pour toi. Ouais, pareil aussi. Puis je me suis dit ça ferait bien, ça fait un sujet de plus, et donc je vais essayer un nouveau site. Exactement, un projet, voilà, très bien. J'étais tout content. J'arrive sur le site et là, donc page d'inscription. Enfin, le site en tant que tel, esthétiquement, m'a pas spécialement déplu sur la page d'accueil. Non, c'était assez épuré, quoi. Mais c'est une fois inscrit que tout bascule. Voilà, exactement. Une fois inscrit, on se retrouve. Enfin, une fois la procédure d'inscription terminée, on se retrouve sur une page avec un amas d'informations et aucune explication du principe. On est directement lâché dans le bain. Donc, enfin voilà, ça s'est soldé par une désinscription au bout de 2 minutes pour moi, et je crois que t'as fait quasiment la même chose, Lucas. Moi, c'est encore pire en fait. Je suis arrivé dessus, j'ai vu la page, et je crois que c'est la première fois que j'étais aussi vite dégoûté d'un site. C'était le bordel de partout. Je ne savais pas du tout où cliquer, et je me suis dit non, je vais vraiment pas perdre de temps là-dessus, ça sert à rien, et j'ai quitté le site, mais je me suis pas désinscrit. Ça fait maintenant une semaine que je me fais spammer par Empire Avenue. Il faut que je pense vraiment à me désinscrire. Ouais, parce qu'en plus, par contre, continue à vous spammer tant que vous n'êtes pas désinscrit, mais apparemment dans des proportions assez importantes, parce que tu reçois je sais pas combien de spams par jour, c'est ce que tu m'as dit. Je reçois facile 3-4 mails de eux par jour. Je sais pas, apparemment quelqu'un qui a essayé de m'acheter, quelqu'un qui a essayé de me vendre, je sais pas, je regarde même plus. Ouais, et en plus, voilà, donc déjà complètement incompréhensible et aucune explication du concept. Mais alors, quand on essaye de fouiller un peu sur d'autres sites et de comprendre le concept expliqué par d'autres, on se rend compte qu'en plus, moi personnellement, le principe me dérange complètement, parce que si j'ai bien compris, ça permet en fait, c'est l'équivalent de Twitter au niveau des followers et following, mais en fait au lieu de follower, on achète des parts d'une personne, donc c'est comme un fonctionnement de bourse finalement, et on achète les parts d'une personne, on revend d'autres parts, et voilà, ça se passe comme ça, et en fait on gère sa personne comme une marque, et sa popularité finalement c'est sa part de marché, Enfin, le principe en plus est complètement dérangeant à mon goût. Je sais pas ce que vous en pensez après, mais. Bon, moi après je trouve que c'est juste un jeu, donc je prends pas ça au sérieux, mais c'est vrai que le site m'a complètement dégoûté et je sais que j'irai pas dessus. Mais le principe en tant que tel Même pas j'essaierai. le principe en tant que tel te dérange pas. Le fait Non. Non, par d'acheter contre, des gens. le principe ne me dérange pas du tout. Pour Ah. moi, ça reste un jeu après, donc non, Ouais, ça ne me mais dérange pas du tout. là en plus c'est avec sa personne et il faut gérer sa personne comme une marque et essayer de vendre, enfin vendre son produit. Enfin, j'aime pas du tout le principe J'ai de ça. l'impression que les achats sont vraiment faits, par contre, aléatoirement. Si on voit un nom, on l'achète. Donc c'est pour ça, il n'y a vraiment aucun truc sérieux dessus. Oui, parce qu'en plus Donc t'as non, pas. ça ne me dérange pas du tout. Ouais, enfin bon. William, t'as jamais essayé, jamais rien vu. Bah moi, vous m'avez effrayé en fait sur tous les commentaires que vous avez, quand vous parliez sur Wave et tout ça. Donc du coup, ça m'a un petit peu rebuté. Je me suis pas inscrit. J'ai juste visité le site, regardé un petit peu comment ça se passait. Et donc ouais, bah, si je peux résumer un peu, donc c'est jouer à la bourse finalement avec tous ces contacts Twitter, Facebook, Flickr. Alors moi, ça me choque pas plus que ça parce que voilà, je porte pas d'importance. Mais pour ceux peut-être qui aiment le côté vraiment jouer avec les réseaux sociaux comme Foursquare par exemple, les gens qui aimaient ce concept-là, bah pour eux peut-être que ça peut être sympa. Moi je sais que je suis pas du tout, j'aime pas du tout ce genre de choses. Donc voilà, mais je pense pas que ce soit enfin gênant. Et apparemment, le site est vraiment très mal fait à utiliser et à comprendre, d'après vos commentaires. Donc, je pense que je vais finalement vraiment, vraiment pas m'inscrire du tout. Non, mais c'est même pas c'est pas que le site est mal fait en plus, parce qu'on sent qu'il y a eu du boulot derrière. Enfin, et oui, il y a eu énormément de boulot derrière, puisque esthétiquement, il tient la route. Il y a Mais trop d'infos, il y a trop vraiment trop d'infos et d'infos. aucune. En fait, Explication? il y a pas de démarche de. Quand on arrive, par exemple, D'initiation. voilà, quand on arrive sur Facebook, pour ça, on peut pas dire que Facebook n'a pas travaillé là-dessus. On est tenu par la main et il nous explique vraiment tout et il nous dévoile au fur et à mesure des nouvelles fonctionnalités du produit pour pas qu'on soit noyé dans le concept directement avec toutes les avec le principe de mur d'amis qui est pas forcément évident finalement quand on y repense pour les personnes qui n'ont pas qui n'ont pas ça en tête et qui n'ont jamais utilisé Facebook, alors que là il n'y a pas du tout cette phase d'initiation. On est complètement lâché et si on comprend pas dès le début, eh ben on est complètement fini. Et j'ai même pas essayé de regarder s'il y avait une FAQ ou quoi que ce soit. Enfin, je sais pas si t'as essayé de regarder, mais J'ai même pas. essayé de voir vite fait, mais apparemment il y a une vidéo de présentation, mais je regarde jamais les vidéos de présentation parce que c'est souvent en anglais, c'est un peu rapide, puis la connexion que j'ai pas envie de perdre du temps à charger une vidéo, je préfère lire directement. Et là, j'en ai pas vu quoi, j'ai pas cherché plus que ça parce que trop de trucs. Vraiment, il m'a vraiment, vraiment déplu tout de suite. Et c'est la première fois que ça me fait cet effet-là, un site. Ouais, ce qui est fou, c'est que, enfin, je pensais vraiment là que c'était un coup de tête et que j'étais pas moi dans un bon moment et que j'ai mal réagi. Mais en parlant avec toi, apparemment, on était deux à avoir réagi de la même manière, quoi. Mais c'est bizarre parce que plusieurs de mes followings ont l'air peut-être pas à fond, mais y ont joué, bien joué et plus d'une fois. Non, mais c'est pour ça qu'on en parle Finalement, d'ailleurs. vous pouvez presque Enfin, être bien. oui, mais bon, après, on en parle parce que ça reste quand même un projet qui fait du bruit autour de lui. Après, nous, Mais ce qu'on en qui avait fera du pu. bruit, mais vraiment pas longtemps, là. Je pense que c'était pour la semaine ou deux, mais ça ira pas plus loin, je pense. C'est le Ça, genre de site qui fait pas moi, l'entrée. sincèrement, je suis même pas sûr parce que finalement, je l'ai. Enfin, c'est un peu. C'est pas très bien de notre part, mais je l'ai même pas. Je peux même pas dire que je l'ai essayé. Je Oh pense non, que. moi non plus, c'est la première fois. Et justement, dans l'optique là du podcast, j'ai tendance à vraiment tout essayer, tout ce que je trouve. Et là, j'ai même pas essayé, j'ai même pas voulu perdre de temps là-dessus. Enfin bon, donc voilà, vous pouvez aller y jeter un œil, mais et puis à la limite, bah dites-nous, enfin laissez-nous des commentaires pour nous dire votre expérience et peut-être que, enfin dites-nous si même vous adorez et que on a mal pris, on s'y est mal pris parce qu'on n'a pas cherché peut-être assez, enfin à s'y intéresser, enfin je sais pas, mais si vous avez un retour un peu différent ou même si vous avez vécu la même chose que nous, ça serait intéressant qu'on en parle quoi. Donc voilà, je pense que ça va être tout pour Empire Avenue parce que de toute manière, on parle de quelque chose qui finalement n'a pas On vraiment n'a pas été. essayé. Voilà. Donc bah, C'est on pas très enchaîne. professionnel quand même, Mathieu, je trouve. Ouais, non, là c'est sûr que là-dessus on n'a pas assuré, mais. Voilà, là c'est la première fois que ça nous arrive à ce point-là et donc on s'en excuse. Enfin bon, on va enchaîner avec la section actu et tips. Voilà, c'est parti. Donc moi je vais vous parler de Facebook Place, qui est une nouvelle fonctionnalité de Facebook. Donc c'est un service qui va se placer un peu comme Foursquare finalement, qui va nous proposer de faire des check-ins sur différents lieux qu'on visite, à la manière de Foursquare aussi. Et donc à la manière de Foursquare toujours, il y a la possibilité d'ajouter de nouveaux lieux s'ils n'existent pas. À la différence de Foursquare, on aura les check-ins qui vont apparaître sur plus d'endroits vu que c'est directement intégré à Facebook. Donc ça va apparaître sur la page du lieu où on a fait le check-in, sur le fil d'actualité de nos amis et sur son mur personnel. Et on a aussi la possibilité de taguer les amis avec qui on est, comme on tague déjà les gens sur des photos par exemple ou dans les statuts. Et ça, il va y avoir aussi une nouvelle section qui va apparaître, qui s'appelle Ici maintenant. Ce sera visible. Dedans, on verra les amis plus les personnes qui ont fait un check-in à l'endroit où on vient d'en faire un nous-mêmes. Mais on voit que les gens qui sont là récemment. L'affichage est temporaire pour justement éviter de rester trop longtemps et de plus être vraiment à jour. Un moyen, par exemple, par contre, pour ne pas apparaître dans cette nouvelle section, donc il faudra une fois de plus fouiller dans les options de confidentialité. Autre point aussi, c'est même malgré que Facebook lance finalement un concurrent à des sites comme Foursquare, Yelp et autres, il y aura toujours la possibilité depuis Foursquare de dire ces check-ins, de les afficher sur Facebook. Et en plus, Facebook va ouvrir l'API de Place pour les applications tierces, comme toujours Foursquare, encore une fois. Donc moi, par contre, ce que j'attends de ce service pour vraiment me faire remplacer Foursquare, c'est qu'il propose des choses en plus. Donc j'espère vraiment pour les nouveaux lieux, la possibilité d'ajouter de nouveaux lieux, qu'il y aura une équipe de modération qui vérifiera que ces lieux n'existent pas vraiment. Parce que sur Foursquare, c'est arrivé qu'il y ait par exemple des cinémas qui apparaissent 2-3 fois. Plein de lieux comme ça, des gens qui ne le voient pas en faisant une recherche, ça apparaît tout de suite, ils ont tendance à le rajouter. Et ça, je trouvais ça un peu dérangeant avec Foursquare, donc j'espère que là, ils vont faire attention. Par contre, le truc qui me gêne un peu, une fois de plus, c'est la possibilité de taguer ses amis et que ça apparaisse à plein d'endroits en même temps, automatiquement, quand on fait le check-in sur Foursquare. On peut encore choisir où c'est qu'on affiche son check-in finalement. On peut même l'afficher, ne pas l'afficher du tout et le faire juste pour les points. Et là, le problème, ça me gêne vraiment qu'il apparaisse déjà à 3 endroits différents sans qu'on ait aucun contrôle. Je sais pas après ce que vous en pensez, si vous pensez que vous allez vous en servir. Alors, moi, je pense que je m'en servirai pas, ça c'est sûr. Déjà, en fait, il y a 2 points. Alors, le premier, c'est qu'ils ont... Alors, vu qu'ils n'ont pas pu racheter Foursquare qui a refusé en fait l'offre, du coup, ils ont été obligés de faire un petit peu leur manière. Et c'est vrai, comme tu disais, ils ont ouvert l'API pour pouvoir partager justement avec Foursquare. Donc, c'est-à-dire que son compte Foursquare, on peut le linker avec Facebook et puis continuer sur Facebook. Je trouve que c'est assez vicieux finalement pour emmener les gens de Foursquare et finalement peut-être passer le pas. Mais je pense que c'est un petit peu dommage parce que, alors moi, comme je l'ai répété tout à l'heure, j'ai pas le côté addictif des jeux comme ça. Mais Foursquare avait le mérite de donner des badges, des choses comme ça. On était maire de la pizza du coin. Donc il y avait vraiment des trucs qui. Moi, je sais que Foursquare, j'adhère, mais complètement maintenant. Ouais. Ouais. Mais parce là, Facebook Place, apparemment, ça, à part dire où on est, ça propose pas de plus-value par rapport à Foursquare. Donc je ne pense pas que j'utiliserai. Et puis je préfère, sincèrement, je préfère diversifier un peu les services auxquels je donne mes informations plutôt que tout donner aux mêmes. Même si à Google, je donne déjà tout avec latitude. Ouais, ça va être mon deuxième point. Mais c'est vrai que ce premier point, toujours sur Foursquare, c'est vrai que ça donnait des récompenses. Et alors, je ne sais pas trop si on en a eu en Europe, je ne crois pas beaucoup. Mais au niveau des États-Unis, il y a eu pas mal de petits restaurants, des choses comme ça, qui faisaient des offres avec Foursquare qui étaient un peu liées. Là-bas, des choses comme ça. Maire, donc voilà, donc ça, c'est. Enfin, je trouve que c'est intéressant, c'est amusant. Donc là, ils ont compris le truc. Là, sur le place, il n'y a rien. C'est bon, c'est assez. Tu check-in un endroit et basta. Et au niveau de la, voilà. Donc là, on arrive sur le second point, ça va être la confidentialité. Je crois qu'il y a eu pas mal de problèmes. Alors pour l'instant, c'est qu'aux États-Unis, et je crois qu'il y a eu pas mal de problèmes sur les Ouais. premiers Ah jours. oui, j'ai oublié de le préciser. Ouais, c'est parce que bah forcément, alors c'est Facebook, donc les problèmes de profil public, le fait qu'on peut comme taguer les autres personnes, ça je trouve c'est un gros problème aussi les tags. On en parlait tout à l'heure. On peut taguer une personne alors que bah enfin moi par exemple quand on me tag, j'ai pas envie qu'on me tag sur des photos. Je Et bah là pense que c'est la même pour chose, on les tags, peut. en fait, quand il devrait Mais ajouter une voilà, il faut les fonction enlever manuellement. dans les options de C'est. confidentialité que Ouais. quand on soit tagué, on soit prévenu et qu'on accepte ou pas le tag. Ou Je même pense qu'on qu'il enfin devrait voilà ajouter ça. qui demande est-ce que non mais avec là il t'est tagué et si tu fais rien bah ça reste comme ça et là bah c'est le même principe au niveau du Ouais, par check-in exemple, si c'est-à-dire on que les peut gens pas se peuvent se connecter dire de bah la cette semaine, on personne peut être tagué sur des photos. voilà alors moi juste pour revenir par rapport à la différence entre Foursquare et Place enfin Places en fait parce que pour moi c'est lieu non en français. Donc c'est places. Ouais donc en fait le déjà moi le principe de Foursquare j'ai pour le coup jamais adhéré parce que le côté jeu m'a pas du tout branché. Je comprends la politique de Facebook de pas justement chercher à faire cet aspect jeu dans leur fonctionnalité, qui cela dit peut être quand même mise en place puisqu'ils ouvrent leur API et que du coup toutes les applications Facebook pourront utiliser cette API et rendre le enfin redonner le côté jeu en intégrant enfin que ça soit deux choses différentes. La fonctionnalité Facebook n'est que la fonctionnalité de base et que les applications tierces pourront utiliser l'API Facebook en rajoutant le côté jeu avec les badges et tout ça. Donc ça moi je comprends. Après effectivement par contre l'ouverture de l'API moi je pense qu'il faut pas se leurrer, c'est pas du tout pour le côté, vous pouvez continuer à utiliser Foursquare ou quoi que ce soit, c'est indirectement une absorption justement de ces sites-là. C'est pour faire la transition, permettre aux gens de continuer, enfin d'utiliser finalement Foursquare et que ça soit affiché par Places sur Facebook et que à terme tout le monde utilise Places. Donc ça, moi je pense que l'API, c'est dans ce but-là qu'ils l'ont créé quoi. Après, voilà le principe. C'est comme tout sur Facebook, le côté de la confidentialité, il faut y faire attention, mais je trouve pas ça plus grave qu'autre chose finalement. Je sais pas ce que, enfin, si vous êtes d'accord, mais. On a toujours le choix de faire ses check-in ou pas quand même. Donc, pour confidentialité, c'est pas pour ce service-là, c'est parce qu'il y a de plus grave, je trouve. Bah, quand tu te fais check par les autres, si. Mais alors, à une Oui, époque. voilà, c'est le seul problème. Ouais, mais alors Moi, c'est le si je seul. me souviens bien. Enfin, moi, je l'ai jamais réussi à y arriver, mais j'ai des amis qui avec, enfin, j'ai une amie qui avait réussi à le faire. Pour le tag photo, il y avait moyen justement de dire, il faut que j'accepte avant que ça soit effectif. Donc, il faut que j'accepte le tag avant qu'il soit dans la Ah ça, notification. j'étais pas Ah, au moi, courant et je vais chercher dès ce soir. j'ai vraiment Alors. tout parcouru et le seul truc que j'ai pu voir, c'est, enfin, qui concernait les tags, c'était les amis des amis ne peuvent pas le voir. C'est le seul truc à peu près Alors, lié au tag que j'ai pu voir, mais j'ai. je suis quasiment sûr de l'avoir vu. Enfin, je pense pas avoir rêvé. Par contre, c'est fort possible que ça soit plus Et actif. ça commence C'est à. ouais, c'est très compliqué à avoir les options. C'est vraiment au bout du cinquième menu, dans un coin caché. Et là, apparemment, c'est encore le cas. J'avais vu les échos. C'était vraiment, faut aller chercher l'option pour le décocher. Et ça, je trouve que c'est vraiment dommage. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est peut-être un détail, mais donc ça apparaît donc dans l'application. Donc là, en l'occurrence iPhone. Mais donc on le fait dans l'iPhone. Mais si on veut désactiver le service, on peut pas le faire depuis l'iPhone. Il faut être sur un PC de bureau. Oui, puisque les Donc options de si on est confidentialité sont pas accessibles depuis l'iPhone. voilà, donc il suffit qu'on ait fait ça, on est en vacances et on veut, je sais pas, on a besoin de désactiver parce que, je sais pas, son patron nous a vus alors qu'il fallait pas être à l'endroit, je sais pas, j'ai n'importe quoi. Eh bien, on peut pas, il faut vraiment un PC de bureau, enfin, faut un vrai PC. Donc, faut faire attention, voilà. Après, Ouais, mais les c'est gens font toujours ce qu'ils toi qui veulent. choisis quand est-ce que tu fais tes check-in ou pas. C'est Sauf les pas des check-in check-in des autres. automatiques. Sauf le check-in des autres, effectivement. Et c'est Ah oui, là, là, c'est. il faut faire attention à ça. Les amis. Faut les prévenir. Ouais, Ne après gardez que vos c'est. vrais amis dans Facebook. Exactement. Après, faut Exactement. pas. Faut pas accepter son patron. Non, mais faut aussi penser que à chaque fois, bah c'est évident que Facebook n'a pas pour intérêt de mettre par défaut des paramètres de confidentialité très fermés ou de nous permettre d'accéder facilement justement à ces paramètres, puisque le principe de Facebook, c'est justement l'ouverture complète de l'information Ça fait un... et le partage. Donc c'est sûr qu'ils n'ont pas pour intérêt de faciliter la vie aux gens, de se cacher, de s'enfermer dans Facebook, parce que ça, le principe de... Enfin, Facebook, s'il n'y avait que des gens avec des profils ultra fermés, n'aurait pas du tout la même importance et la même manière de fonctionner. C'est donc faut aussi relativiser et se dire que c'est normal. Après, il faut faire. Nous, on sait que qu'on fait attention à ça. Ça nous prend plus de temps, mais il faut vraiment faire attention et prendre ce temps-là Mais moi, pour. je sais qu'au moins une fois par mois, je fais le tour de tous les trucs de confidentialité pour voir si on n'a pas des nouveaux. Non, mais voilà, à partir du moment où on est averti, il faut juste être averti, mais d'un côté, Facebook fonctionne aussi parce qu'il y a des gens qui n'ont jamais vu les paramètres de confidentialité ou Voilà, ne c'est savent ça. même pas Parce que ça que existe et... c'est ce que je voulais dire, c'est que je suis tout à fait d'accord avec toi, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui sont pas spécialement là-dedans et qui trouvent que c'est trop compliqué et ils s'intéressent pas. Et je pense qu'il faut faire attention et peut-être les sensibiliser aussi un petit peu, eux aussi. Voilà, et Places, c'est un élément en plus qui va dans ce sens-là, mais donc voilà, je pense que c'est à peu près tout sur Facebook qu'il faut dire en ce moment. Juste, bah, du coup, bon, je sais que c'est pas exactement la partie de l'émission où il faudrait peut-être l'aborder, mais justement, ça me fait penser à quelque chose parce qu'on parle de la confidentialité, du fait de gérer. Moi, par rapport à la gestion justement de son identité numérique, c'est vraiment quelque chose, enfin, surtout que nous, on traite beaucoup de sujets, de sites web sur lesquels il faut s'inscrire, afficher en général son nom, son prénom. Il faut vraiment faire attention à tout ça et bien savoir ce qu'on fait avant chaque inscription, parce que le fait d'être référencé, c'est très facile, mais le fait de se déréférencer, je sais pas si ça se dit, c'est beaucoup moins facile et on peut après vraiment retracer beaucoup de choses de sa vie numérique simplement grâce à Google en tapant le nom et le prénom. Donc vraiment faire très attention à ça. Et d'ailleurs, j'en profite pour pousser une gueulante auprès du site 123 People, parce que c'est Ah vraiment oui. un site odieux. Et pourtant, Enfin. c'est un site qui ne fait que référencer, tu sais, les informations publiques, des Oui. pages jaunes, de Google, etc., etc. Donc, c'est vrai Soit, que mais justement, ça montre toutes mes erreurs de de jeunesse. jeunesse, si je puis dire, d'inscription sur des sites où j'avais pas forcément fait attention et tout ça, qui pourtant n'existent plus pour la plupart, mais qui n'ont pas été déréférencés, ça n'est absolument pas actualisé. Beaucoup de sources en plus qui sont pas du tout en rapport avec nous, enfin avec moi ou avec les gens en l'occurrence. Donc bon, voilà, tout ça c'est. Faites attention en tout cas, si je peux, parce qu'on parle beaucoup de sites où il faut s'inscrire, donner des noms, des prénoms, des adresses e-mail, des numéros de téléphone, tout ça. C'est vraiment. Son identité numérique, c'est vraiment très important à garder un contrôle dessus, quoi. Bah personnellement, je pense qu'il ne faut sur aucun site essayer d'éviter au maximum de donner son nom de famille déjà, sauf pour les données bancaires quand on veut faire des achats. La jouer comme Will et ne jamais donner son nom de famille sur aucun site. Oui, Je je pense que ouais, pense que ça c'est. aide bien, ça aide vraiment bien ça déjà. Ouais, c'est comme tu dis, on ne donne son nom et son prénom de toute façon que quand on en a vraiment besoin, puis vraiment besoin, c'est une paiement. Tout le reste, même Facebook, ils disent, ce qui est assez marrant, tu m'avais lu la phrase, pardon, Lucas, c'était vous devez Oui, mettre quand j'ai votre vrai changé nom. là dernièrement. Mais enfin, je trouve que, alors peut-être qu'ils ont mal traduit, ils ont eu un ton un peu plus agressif en français, je sais pas, mais non, enfin, ne mettez, enfin. Mettez un nom comme si possible que vos amis vous reconnaissent, quoi, mais ne mettez pas non plus un truc non plus trop bateau, mais voilà, enfin, mettez le moins d'informations sur le net si vous voulez pas après vous retrouver sur Google quand on vous recherche, tout simplement. Justement, on continue dans Google qui propose quelque chose de nouveau. Voilà, donc on va continuer en Google. Alors, c'est pas du tout sur l'identité numérique cette fois-ci. C'est Google qui a ouvert, alors pour l'instant, c'est en preview développeur. Le Google Web Store. Donc c'est quelque chose qui va déjà remplacer agrégé finalement aussi, hein, que il y aura plus comment ça s'appelle la Chrome extension, c'est-à-dire tous les add-ons finalement. Donc ça va être un dedans et ça va être un store géant qui va Oui, à l'image d'un App Store, finalement, pour des web applications, qui va être donc pour Google Chrome OS, l'OS complètement dans le cloud dont on avait évoqué un petit peu avec Lucas il y a quelques épisodes, même plus que quelques épisodes. Et alors déjà, maintenant, on a un léger changement, c'est-à-dire qu'on a un droit d'entrée de 5$. Donc ça, pour moi, mine de rien, je trouve que c'est plutôt pas mal, parce que ça met déjà une première barrière à des bon, les applications malveillantes, c'est peut-être un grand mot, mais les applications voilà qui étaient un petit peu voilà qu'on sait pas trop ce que c'est. Donc là, ça met déjà c'est une certaine motivation, parce que donner ses coordonnées bancaires, voilà, ça on est moins enclin à faire des bêtises derrière. Donc ça, c'est un premier palier. Et ensuite, à la manière de Apple, finalement, quand sur leur App Store, il va y avoir un pourcentage qui va être pris. Alors par contre, ce n'est pas du tout 30% comme Apple, c'est 5%. Donc c'est vraiment beaucoup, pas beaucoup en l'occurrence. Et par contre, il y aura un taux fixe, c'est aussi 30 centimes. Et faut savoir que l'application, donc le minimum qu'il y aura, c'est 1,99. Et donc la version officielle devrait sortir en octobre. Et donc ça va, voilà, donc ça va ramener donc plein de web applications donc pour Chrome OS, pour Chrome. Et moi, quelque chose que j'aimerais vraiment beaucoup, c'est qu'il y ait le mot fusion est peut-être un peu trop sur le coup, mais une intégration avec Android, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de fragmentation entre les deux et qu'il fasse quelque chose de un peu mixé, c'est-à-dire que sur les netbooks Chrome OS, sur les téléphones Android, et que finalement ils partagent un petit peu le même store, puisque bientôt le marketplace aura la musique. Et donc je pense que unifier tous ces stores Google peut être une très bonne opportunité pour eux pour gagner. Mais le problème, c'est que c'est pas, tu n'utilises pas le même type d'appli sur un ordinateur et sur un téléphone. C'est pas du tout la même utilisation, c'est pas En fait, compatible. bah Entre c'est une pas. tablette et un téléphone, oui, mais entre une téléphone et un ordinateur, C'est pas très, tout très, très pareil, gênant, quoi. parce qu'en fait, sur Android, tu sais, c'est complètement Java. Bon, il peut y avoir du code natif en C++, des choses comme ça, mais globalement, c'est du Java qui va tourner. Et il faut savoir que le Java, tu peux le faire tourner dans un browser. Alors, c'est pas tout à fait les mêmes choses, mais tu peux le faire tourner dans un browser. Donc, il y a vraiment pas de raison pour que ce soit vraiment, tu sais, deux choses complètement différentes. Je sais pas si je suis très clair là-dessus, mais. Bon, en fait, je suis pas d'accord avec toi, tout simplement. Mais Parce que pour moi, je veux dire, à partir du moment une application, je trouverais ça bête d'avoir le même store, puisque de toute façon, une application que tu utilises sur le téléphone, tu pourras pas l'utiliser sur l'ordinateur, à part quelques rares cas, mais non, c'est pas mais prévu pour. non, mais ce Par que je veux dire, contre, c'est unifier. l'application Tu sais, par équivalente. exemple, iTunes, tu as par exemple App Store dedans et iTunes Store, tu sais. iTunes Store pour tout le côté multimédia, App Store pour le côté bah, application, Ah tout ouais, simplement. d'accord. Là, Tu je vois ce que je veux dire? vois. Vraiment Ouais. unifier tout ça dans un endroit, il y aura même la musique, et ça pourrait devenir vraiment un vrai concurrent finalement à iTunes. Et je trouve, à part Vraiment. Amazon produit alors ça va être quelques livres et musique principalement, on n'a pas beaucoup d'alternatives, et je pense que ça peut être pas mal, voilà, au niveau de ça. Donc je Ouais, pense que donc tu du vois mieux coup, du là, coup ce que je non. veux dire. Maintenant que j'ai compris, ouais, je te suis maintenant, Oui, à voilà, fond. c'est pas purement l'application qui va tourner partout, même si je pense qu'avec Java, je pense que c'est possible. Après, je m'y connais pas assez en programmation. Mais voilà, c'est plus dans cet esprit-là d'unifier un peu toute l'expérience Google finalement. Alors, ouais. Moi, ce que je trouve plutôt drôle finalement, c'est que c'est l'une des premières fois qu'on voit en fait le cheminement inverse de d'habitude. C'est-à-dire qu'une, c'est quelque chose qui a été initié sur les mobiles. Donc tout le principe de store a été initié sur les mobiles et on commence à le voir du coup apparaître sur les plateformes fixes, enfin ou portables, mais ordinateurs du moins. Et en fait, c'est la première fois que c'est dans ce sens-là, que c'est quelque chose qui avait vraiment été initié et complètement fait pour les téléphones et les tablettes, et qui arrive sur les ordinateurs, alors que d'habitude, c'était l'inverse, quoi. Bah, je vais casser ton enthousiasme tout de suite. C'est-à-dire que les distributions Linux, en fait, depuis le début, utilisent en fait ce Je modèle-là. me doutais que t'allais me parler de ça, Ah, ouais. c'est obligé. Ouais, mais non, mais. Parce que c'est des dépôts, toutes tes applications sont dedans et tu vas les chercher. Alors, avec une interface graphique ou sans, hein, selon les préférences, mais voilà, tu installes toutes tes applications qui sont toutes centralisées. Alors, il y a plusieurs serveurs parce que on sait jamais si un va crasher s'il y a trop de monde dessus, hein, bien sûr, mais Je suis d'accord, mais c'est pour ce moi principe-là. c'est différent quand même. Dans le sens où t'as toujours, enfin ça centralise les applications en allant les chercher un peu n'importe où et tout ça. Effectivement, ça en apparence c'est le même principe, mais tu peux toujours installer une application Linux en allant la télécharger sur le site web de l'éditeur. Alors que là, le principe du store complètement fermé où l'éditeur va proposer directement l'application au store afin qu'elle soit accessible aux consommateurs. Ça, c'est ça, pas... ça, je dirais que c'est spécifique à Apple dans ce cas-là, parce qu'Android, tu peux aller chercher les applications toi-même, une par une, si tu veux, et les installer manuellement, tu sais, sur ton, ouais, sur ton mais mobile. Ça va, ça, tu, enfin, je sais pas si t'es au courant, mais ça va changer, apparemment. Non, non, non, non. Non, c'était pour les applications qui étaient, comment dire, que, t'sais, piratées. Les applications sont signées maintenant sur, enfin, seront sur le marketplace pour éviter le piratage. Mais du coup, tu pourras pas installer d'application externe. Si, si. C'est-à-dire que ton application à toi, par exemple, que tu as développée, bah, tu pourras l'installer. C'est juste que celles qui sont sur le market, voilà, il y aura plus ce problème-là. Parce qu'en fait, ils prenaient les applications du market avant, donc il est pas quelqu'un l'achetait, je sais pas, une personne l'achetait, le prenait et puis un peu comme la musique, le rip quoi, tu sais, et puis le donne à tout le monde. Ok. Et là, en fait, elles seront signées, donc du coup, ça sera unique en fait. Ok. Bon, bah, j'avais pas Voilà. compris ça comme ça, mais C'est d'accord. ça en fait. C'est... Ok, ok. Mais je comprends ce que tu veux dire. Je comprends. D'accord. Bon, bah, et du coup, pour continuer dans Google qui fait encore des nouveautés dans tous les sens, je vais vous parler en fait d'une future fonctionnalité de Google sur son moteur de recherche, parce que finalement, on l'oublie assez souvent, mais Google c'est avant tout un moteur de recherche. Et là, enfin, un service qui s'appelle, enfin, c'est pas vraiment un service, c'est une amélioration de leur moteur de recherche, donc ils appelleraient ça Google Live Search ou Google Streaming. Enfin, le nom de toute manière n'a pas vraiment d'importance puisque finalement c'est juste la fonctionnalité qui permettra l'affichage en temps réel des résultats en fonction de la saisie des thèmes de la recherche en fait. Donc ils ont lancé une vidéo de présentation, enfin qui à mon avis n'est qu'une vidéo conceptuelle du projet. Parce qu'on peut voir qu'en fait, lorsque la saisie est en train de se faire, donc la page ne s'actualise pas vraiment, elle se met en, comment dire, elle s'adapte en fonction des termes de la recherche, mais avec une rapidité qui, à mon avis, ne peut pas encore être réalisable, enfin, qui peut pas exister véritablement. Parce que c'est vraiment impressionnant au niveau de la rapidité. Ce qui est d'autant plus impressionnant, c'est que dans la vidéo, les résultats, c'est un ensemble de liens, de photos, de maps. Il y a vraiment beaucoup d'informations, pas que textuelles, qui s'affichent vraiment très très vite. Et, enfin, à la vitesse où la personne tape et fait évoluer ses critères de recherche. Donc, tout ce qu'on sait, c'est que Google travaille dessus. Mais après, j'ai aucune idée de si ça sera implanté prochainement et surtout si ce sera aussi efficace que la vidéo de démonstration. Donc, je sais pas si vous pensez, enfin, vous avez vu la vidéo? Non, j'avoue, j'ai pas eu le temps de la regarder, la vidéo, mais le principe m'intéresse plutôt. Ouais, mais alors après, est-ce Ça que a le l'air principe franchement sympa. sera, enfin, est-ce que la réalisation sera aussi bien fichu que le principe? Ça, c'est à voir parce que vraiment. Moi, c'est peut-être vrai, hein, Google nous étonne parfois, mais la vidéo, pour moi, c'est qu'un concept. Hein, Concernant tes doutes sur Ouais, la quand on voit à quelle rapidité, vitesse. j'ai cherché en fait donc les projets du web sur le site US, hein, donc avec vraiment donc du coup plein de bah, disons de Proposition. oui plein de propositions, donc c'est enfin c'est quelque chose de général. Projet web, tu vas en trouver mais vraiment plein sur le net. Ça s'est mis en 0,25 secondes. Et là, ma connexion est très très mauvaise. Donc, enfin, je pense pas que ce soit vraiment un problème. Les pages se chargent, mais vraiment très rapidement. Donc, Ouais, je mais là pense qu'il c'est. analyse au bout de chaque syllabe et mot. Ça ne va pas être lettre par lettre. Il va mettre une, voilà, des choses comme Ouais, ça, dès qu'il va sachant que ça prend reconnaître un mot. pas, ça prend même pas un quart de seconde. Et encore, dans les plus mauvais cas, enfin, tu t'en rendras même pas compte. Hein. Et ça peut permettre d'éviter de taper toute une longue phrase alors que finalement 3-4 mots, là il y était. Non, mais ça C'est ça c'est moi. sûr que le principe est bon, ça j'en doute pas et enfin Oui, mais sur la j'attends rapidité, vraiment il y a. que ça arrive. Après, ça me paraît en plus être actualisé quand même très très très souvent. Si c'est pas à chaque lettre, c'est à chaque terme en tout cas. Et ça me paraît véritablement trop rapide pour parce que il recharge non seulement donc les résultats de la recherche. En affichant donc les photos, un certain nombre de photos, de vidéos et de maps, Et les pubs correspondantes s'adaptent aussi en fonction de ça. Enfin, le corps de la page s'adapte et très, enfin, il tape à une vitesse vraiment, vraiment rapide. Et on voit le truc évoluer aussi vite qu'il tape. Et moi, je pense que, enfin, ça a dû être fait directement à côté du serveur, branché dans le serveur. Enfin, j'en sais rien, mais pour moi, c'est pas possible que ça soit à ce Pas été point-là. choqué du tout, moi je trouve que c'est normal parce que quand tu vois, je vois c'est à peu près ouais au terme ou syllabe, je sais pas exactement, j'arrive pas à la définir sur la vidéo, mais non, c'est pas choquant du tout parce que si tu prépares, bon, prépare des pages Google avec des mots directs, tape entrée et tu vas voir que ça va être très rapide, hein. Donc non, enfin moi j'ai vu la vidéo et non, c'est pas du tout choquant. Je pense que ils sont vraiment capables de faire ça. Après, est-ce Moi, que ça eux me paraît derrière quand ça va même leur un faire petit peu rapide. Est-ce que ça va leur faire trop de charge derrière sur leur serveur? Parce que là, du coup, si tout le monde s'amuse à faire ça, je sais pas si Ouais, parce que je le leur fais problème, c'est que du confiance coup, quand ça même, mais. fait. À chaque recherche, si on considère qu'il y a à peu près, je ne sais pas, des recherches, ça doit être en moyenne 4-5 termes. Ça veut dire qu'au lieu d'envoyer une requête pour 5 termes, il y aura à chaque fois 5 requêtes qui vont s'actualiser. Enfin, ça veut dire que la charge du serveur va être multipliée par 5. Si à peu près les recherches se font en 5 termes, je Enfin, dis ils n'ont pas de ça. problème de ressources par rapport à Twitter, par exemple, qui est un autre débat. Soit, mais déjà ça va utiliser plus de ressources et en plus ils ont besoin que ça soit encore presque plus rapide que ça ne l'est déjà. Parce que excuse-moi, mais 0,17 secondes à chaque fois que tu tapes un mot, c'est presque t'auras pas le temps de voir le truc s'afficher. Enfin, ça va être vraiment à la limite, hein, à mon avis. Il faut quand Bah, même moi, que ça ce que je peux s'affiche. te dire, c'est que. Au pire des cas, t'as une mauvaise connexion et tu le verras pas, et de toute manière, bah, tu taperas ta recherche comme c'était avant. Et au meilleur des cas, t'as une bonne connexion ou une connexion correcte ou le service finalement marche très très bien. Et puis, bah, tu bénéficieras du truc. Et au pire des cas, je pense que tu peux toujours désactiver ce genre de choses. Je sais que la saisie, par exemple, les propositions de saisie des mots quand on tape, on peut le désactiver si vraiment ça nous énerve. Donc voilà, c'est des choses. Moi, je trouve que c'est un bon projet Ah et oui, je non, leur ça fais, c'est sûr. enfin, ouais, je leur fais confiance. Je pense qu'ils arriveront à assurer la vitesse. La vitesse, quoi. Ouais, enfin, je sais qu'ils y arriveront, mais après, moi, c'est surtout la question du dans combien de temps et est-ce que là, la vidéo en tant que telle est déjà. Est-ce que ça fonctionne déjà en fait? Est-ce que c'est juste un concept ou c'est déjà efficace, quoi? Enfin bon, on fait confiance à Google pour nous faire encore des miracles. On va voir à quelle rapidité ils vont sortir ça. Et du coup, pour rester dans le principe des moteurs de recherche, Lucas, t'avais fait quelque chose sur les moteurs de recherche en temps réel, je crois. Ouais, j'ai regardé vite fait, là j'ai testé assez rapidement 8 moteurs de recherche en temps réel pour finalement me rendre compte que en fait ces 8 moteurs de recherche proposent plus ou moins la même chose. La plupart du temps, c'est tous pratiquement réunissent déjà Twitter. C'est le service temps réel actuel de toute façon. Et en fait, le principe, c'est on tape sa recherche et ça nous donne les derniers résultats sur par exemple mon Twitter, Facebook, Identica, certaines fois des flux RSS, quelques blogs. Ça se rapproche un peu de ce qu'on avait présenté pour le monitoring, finalement, qui cherchait sur plusieurs sites et des sites ciblés, mais là pour des recherches directement en fait. Donc c'est pour moi, ça se rapproche vachement de ce qu'on avait déjà vu. Ouais, bah, comme tu disais, Lucas, c'est quelque chose qui est pas mal pour tout ce qui est monitoring, pour surveiller. Et puis, bah, on rebondit un petit peu sur le mini débat, disons, qu'on a eu sur Facebook et l'identité, j'allais dire nationale, identité Numérique. numérique, C'est différent, identité c'est numérique, donc différent. pas nationale. C'est voilà, c'est faire attention parce que voilà, de plus en plus de services sont capables finalement maintenant d'analyser vos flux Facebook. Est capable d'en sortir des informations, donc voilà, on va encore répéter, on vous embête, mais c'est vrai que faites attention un petit peu à ce que vous mettez sur Internet, tout simplement, parce que là, on voit, il y a 8 moteurs vraiment différents, donc ils vont utiliser des technologies différentes, des manières différentes, donc il y en aura bien un qui va choper les informations, disons, bon, pas sensibles, mais qui pourrait vous avoir échappé dans vos paramètres de confidentialité. Et même Google, finalement, maintenant, incorpore Twitter, pas sur toutes les recherches, c'est ça qui je trouve intéressant, comme on disait avec Lucas tout à l'heure, il sélectionne donc par moment, par exemple quand c'était la Coupe du Monde, eh bien là il mettait un petit rectangle qui défilait en temps réel, qui défilait pardon, en temps réel et qui nous affichait, bah, c'était par exemple des résultats, des choses comme ça, en plus de la recherche. Et c'était pas trop intrusif, c'était plutôt bien pensé. Donc voilà, tout Mais simplement. Google a plein d'options de ce type. J'aime bien, par exemple, quand il voit qu'on recherche un lieu, en général, proposition avec Google Maps, il y a tout plein de systèmes comme ça. Et là, pareil, quand c'est une recherche qui donnerait un bon résultat avec les tweets, il nous affiche directement les tweets. Et tant qu'on est à parler de tweets et de Twitter, t'as peut-être des projets à nous présenter, toi? Ah oui, j'en ai un. Alors c'est vraiment tout bête, ça s'appelle firstfollower.com. Et évidemment, il vous donne le premier follower que vous avez eu. Alors c'est quelque chose de qu'on peut dire, bah, c'est bête, je m'en fiche. Puis en fait, on commence à se prendre au jeu, on regarde un petit peu les amis qui ont eu comme premier follower. Et voilà, c'est tout bête. C'est bizarre, c'est que parfois ça met un petit peu de temps. Mais voilà, moi je trouvais de voir par exemple certaines stars entre guillemets de Twitter qui ont eu comme premier follower. Des bots ou des choses comme ça. On a Donc même voilà, c'est. des podcasters très connus qui ont eu Barack Obama comme premier follower. Oui, étonnamment. Donc bon, ouais, c'est assez amusant de regarder ça. Moi, Après. j'ai juste une retenue par rapport à ce site. Je pense qu'en fait, ce qu'ils regardent, c'est le follower le plus ancien et pas vraiment le premier. Parce que si quelqu'un nous suivait au tout début et nous a une follow, il apparaît plus dans notre liste de followers. Donc je pense qu'après, il apparaît pas sur le site. Oui, c'est ce que je me suis demandé aussi, parce que c'est vrai que si Donc vous le je savez pense pas, qu'il en est fait, passé les pour ça que followers. d'ailleurs c'est Ah, sur vas-y. ceux qui ont beaucoup de followers, il met beaucoup de temps à trouver parce qu'il faut qu'il remonte toutes les pages pour aller au dernier. Donc, je Ouais. pense que ça vient de là en fait. Ouais, c'est possible. Mais d'ailleurs, c'est pareil pour le. J'ai un autre petit site comme ça dans le. Enfin, un peu dans le même principe, qui s'appelle TweetFakes. Enfin, bon, je vous mettrai le lien, mais en gros, ça vous montre le nombre de fake followers. Et en fait, pareil, c'est vous donnez votre nom, enfin votre nom Twitter, et ça affiche le nombre de fake followers. Pareil, je pense que c'est pas foncièrement basé sur quelque chose de véridique. En fait, c'est peut-être un quota en fonction de son nombre de followers. Un pourcentage, tout simplement, je Je pense. pense un pourcentage, oui. Donc tout ça, enfin. Ça après, parce qu'ils n'ont pas tant d'accès que ça. L'API est pas tant, permet pas d'avoir autant d'informations que ça, je pense, sur le. Et même s'ils se font une blacklist en fait des comptes Twitter qui sont considérés comme fake, je pense qu'il n'y a pas véritablement de possibilité de comptabiliser en fait. Donc voilà. Moi, je viens de faire des calculs et j'ai plutôt l'impression qu'il se base en fait sur une espèce de pourcentage. Parce que j'ai regardé tout simplement, j'ai divisé mon nombre de followers par le nombre de fakes qui me reportaient et je tombe sur un chiffre aux alentours de 12. Oui, il a fait pareil, il tombe sur un chiffre aussi aux alentours de 12. Toi, Mathieu, t'as pas réussi pour je ne sais quelle raison, mais je suis prêt à parier que tu serais tombé aussi sur un truc autour de 12. En gros, à peu près, étant donné que là j'ai 129 followers et que j'avais 10 fake hier, je pense que enfin ça c'est resté enfin de toute manière, j'avais 126 Ouais, ça hier. donne un Donc ça 12,9, faisait ça. 12,6 hier, 12,9 maintenant, enfin ça change, c'est aux alentours de 12. Donc ouais, effectivement, ça doit être calculé. Ils ont dû calculer le nombre de fake followers sur l'ensemble de Twitter. Ils se sont dit que c'était à peu près 12%. Enfin 12 ouais si 12% et après ils ont appliqué ce chiffre-là au nombre de Non, followers. 12, 12, c'est plutôt, ça veut dire, en gros, c'est 12 vrais followers pour un fake. Ouais voilà, c'est ça, pardon. C'est dans l'autre sens. Enfin voilà. Bon, c'est deux sites de toute manière qui sont plutôt sympas même si on sait pas sur quoi ils se basent vraiment parce que finalement l'API permet pas forcément de garder en mémoire le premier follower ou le nombre, enfin, ou permet pas de montrer le nombre de fake followers quoi. Mais voilà, c'est sympa, vous pouvez aller y jeter un petit coup d'œil. Je crois que c'est tout pour nos actus, tips et autres petits sites. On va enchaîner avec, on a deux petits bonus cette semaine. Je crois que c'est Lucas, tu voulais nous parler d'un site, toi? Oui, je voulais vous parler d'un site que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, justement quand tu parlais avec quelqu'un sur Twitter. C'est Done for Everyone or Just Me. C'est pour savoir, des fois on se pose la question, on arrive sur un site, on a l'impression qu'il est done ou on tombe sur une erreur ou quoi. Là, on va se demander si le site est done ou si c'est juste moi. Eh bien, ce site nous donne tout de suite la réponse. Il suffit d'aller dessus et de rentrer l'URL du site qu'on veut savoir et il nous donne tout de suite la réponse. Et le site est vraiment épuré, en fait, c'est tout simple. On a juste à marquer l'adresse, il y a un petit champ. Après, il nous donne tout de suite la réponse et on peut aller donc directement sur le site ou checker un autre site. Donc, c'est super épuré, super simple. Le principe est tout bête et c'est franchement pratique. Hein. Ouais, effectivement, Ouais. parce que Ouais, c'est moi un peu le coup de cœur de cet épisode pour moi. Parce que quand j'avais vu Sledgehammer sur Twitter, c'était, je crois que c'était pour toi, Mathieu. ouais, c'était pour Et moi. ouais, c'est ça, c'était Sledge. Je trouvais plus le nom. Le Ouais, lien, c'était en fait, qu'on peut donner ensuite est génial parce qu'il dit non, c'est vous, enfin, non, c'est toi, le site, il marche bien. Donc ça. Le nombre de fois, généralement, qu'on voit sur messagerie instantanée ou Twitter, oh tiens, ce site-là, est-ce qu'il est down? Parce que chez moi, ça marche pas. Enfin, c'est vraiment le truc parfait qu'on peut donner à tout le monde. Et moi, j'adore ce petit truc, c'est super. Quand j'ai vu ça, j'ai de suite accroché. Donc, il est vraiment super. Enfin, moi, je l'ai tout de suite mis dans ma catégorie utilitaire, là, dans Ah mes oui, ça, je favoris. comprends. Il est Ouais. super. Non, effectivement, Directement. c'est vraiment, vraiment utile. Et ça permet de bien passer pour un con quand on pose la question sur Twitter et quelqu'un nous répond ça. Je me suis un peu senti con. Mais bon, merci à Sledge, en tout cas, pour nous avoir fait découvrir ce petit site plutôt sympa. Je crois c'est William qui avait aussi c'est plutôt un mini tuto en fait par rapport à Twitter. Voilà, en fait, c'est alors là en l'occurrence c'est pour Twitter, mais c'est vrai que c'est une astuce en fait pour le moteur de recherche Google. Parce qu'en fait, là, l'objectif, c'était pour chercher des gens qui tweetent mais dans votre région. Et en fait, il utilise tout simplement des petites astuces de Google. Et donc, le premier, c'est d'utiliser une recherche qui va se focuser entièrement sur le site. Donc, vous tapez site2.twitter.com. Et là, toutes les recherches que vous allez faire ensuite ne concerneront que le site Twitter. Ça Et marche avec tous les sites, hein, cette astuce. oui, Et c'est évidemment, super c'est vrai que pratique. Je m'en sers assez souvent. c'est très pratique. Certains sites en fait l'utilisent de façon un peu transparente quand ils ont un Ouais, de moteur de base aussi. recherche. Voilà, quand ils ont un moteur de recherche qui disent dans le titre. Et finalement, souvent, vous voyez que Mais par exemple, ça passe par en Google. exemple, il y a le site ubuntu-fr.org qui s'en sert. Ensuite, c'est une double astuce, c'est-à-dire qu'ils vont utiliser les guillemets pour avoir l'expression exacte. Et il va utiliser par exemple, là, il voit location Texas. Donc ça te permet vraiment d'avoir donc tous les tweets, enfin tous les messages de Twitter, bon là c'est sur le coup ça va être des tweets, qui viennent du Texas, et voilà. Donc là ça permet d'avoir une localisation de tous les messages. Donc si vous avez tous les profils publics, donc là après voilà, c'est chacun gère profil public ou privé, ça peut être encore un autre débat là-dessus. Et donc tous les profils publics, et ils vont apparaître avec les messages et ce qui se passe actuellement sur Twitter, par exemple là en ce moment au Texas. Donc Mais voilà, c'est des location petits boosts. Texas, ça rend pas plutôt tous les comptes qui ont mis comme location justement Si, c'est Texas. ça. C'est exactement Le ça. C'est mot. plutôt ça que. Oui, c'est ça, c'est Ouais, le justement. terme exact, ça, ouais. Donc en fait, pour récapituler un peu l'astuce, vous tapez uniquement en fait site de point twitter.com en l'occurrence, mais sur n'importe quel site ça fonctionne. Suivi de espace, ouvrez les guillemets, location, là, l'endroit où vous souhaitez voir les tweets, et vous fermez les guillemets, et en fait, ça vous Voir les affiche donc, utilisateurs plutôt. voilà, ça vous affiche les tweets des utilisateurs qui sont localisés, enfin, qui ont mis dans leur Qui ont lieu, rempli le champ, voilà, voilà, c'est qui ont vrai que rempli. j'ai peut-être mal précisé ça, je me suis mal exprimé. C'est vrai que c'est le champ, ouais. Voilà, c'est le Il va champ chercher cette de là où expression-là il dans le champ. habite, en fait. Mais Voilà, voilà. du coup. Moi, ça me fait penser à. Je pense que. Parce que finalement, Google propose. Il y a pas mal de choses comme ça dans Google qui sont assez peu connues. Et je pense que Dans ça des pourrait être. options avancées, il y a énormément de trucs Voilà. Et intéressants. même la barre, finalement, permet de faire. Simplement, ce qu'on oublie tout le temps, c'est que c'est une calculatrice, c'est Oui. enfin, c'est énormément de choses. Oui, Donc je pense que ce qui pourrait très être intéressant et pratique. qui va sûrement être fait, c'est que dans les prochains épisodes des projets du web. On essaiera de temps en temps de vous donner une petite astuce comme ça de qu'est-ce que peut faire Google simplement avec sa barre de recherche parce que étonnamment il y a pas mal de choses et donc voilà on essaiera de temps en temps de vous donner des petites astuces comme ça. J'en profite juste aussi, il y a aussi beaucoup de Easter eggs, donc des petits œufs de Pâques, enfin des petites surprises qu'il y a notamment avec Chuck Norris. Et donc, peut-être qu'on en donnera aussi quelques-uns en même temps que les tips, c'est beaucoup plus utile. Voilà, donc ça sera disponible évidemment dans la saison 2 du podcast. Oui. donc voilà, des petites astuces de temps en temps. Et puis pourquoi pas, enfin si ça marche pour Google, des astuces sur différents sites. Voilà, on le fera, on essaiera de le faire assez souvent. Et puis voilà. Du coup, parce que là c'est un peu grosse dédicace à Google dans cet épisode. Oui. On a parce que alors déjà le on arrive à près de d'une heure et quart de d'émission et on a cette fois-ci un débat. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu. Donc si vous êtes en train de nous écouter et que je pense que le débat en plus peut être assez long. Donc si vous voulez faire une pause, c'est le moment parce que là on va en plus débattre sur un sujet qui je pense peut être assez copieux. En fait, on va parler donc de Google Wave qui donc on, ça vous le savez maintenant, c'est plus une news qui va fermer ses portes. Et du coup, en fait, la question un peu directrice du débat, c'est est-ce que Google Wave finalement n'est pas un outil trop en avance sur son temps? Et du coup, enfin plusieurs questions qu'on pourrait se poser afin d'essayer de comprendre pourquoi Google Wave n'a pas marché comme certains auraient pu le penser. Donc je pense qu'on peut partir sur la première question, c'est est-ce que Google Wave est un outil trop compliqué? Je ne sais pas si vous voulez commencer à en parler de votre expérience de Google Wave et est-ce que vous pensez déjà que c'est pas un service qui est trop compliqué à la base? Trop compliqué, non, mais je dirais qu'il n'a pas trouvé son public, il n'a pas su expliquer à quoi il servait parce que après utilisation, c'est pas si compliqué que ça. On n'est pas obligé de servir de toutes les options. Il y a beaucoup d'options qui sont là. Mais pour l'utilisation, par exemple, que nous, on en a, c'est pas sorcier, quoi. Ça reste basique, mais il faut se lancer dedans. Il faut se lancer dedans. C'est ça le problème. Et trouver de l'utilité, surtout. Le problème des gens, c'est que beaucoup n'ont pas trouvé d'utilité à ce service. Et là, c'est sûr, si on trouve pas l'utilité, par contre, c'est sûr qu'il paraît inutile. Et puis peut-être qu'il y a eu finalement un manque de, enfin il n'y a pas eu de manque de buzz en tant que tel parce que ça on en a, il y a eu du bruit autour de Google Wave, mais je pense que ça n'a pas été assez bien orienté parce que finalement Google Wave pour moi ça a absolument pas été évoqué auprès du grand public, pas du tout mis en avant auprès du grand public et c'était vraiment un cercle fermé uniquement les bêta testeurs finalement sont restés sur ce produit et ça même une fois ouvert ça n'a jamais rien changé et moi je sais quand j'en parle à des amis mais enfin Google Wave c'est quoi et je pense que ça aurait été mieux communiqué ça aurait pu déjà avoir un plus grand impact et trouver plus d'utilité en augmentant le nombre d'utilisateurs quoi. Parce que je pense que ça, il y a eu une mauvaise communication autour du produit. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que par exemple vous connaissez des amis pas du tout dans le milieu informatique qui ont utilisé Google Wave, qui en ont même entendu parler? Oula, non, pas du tout. Donc que les personnes à qui j'en ai parlé moi, personnellement. Voilà, ouais, donc ça. Pas pareil, c'est moi qui les initie en fait. C'est ça qui est étonnant, surtout que finalement, si on part du principe que c'était comme il l'avait évoqué, censé, enfin, permettre une alternative à l'email, il fallait justement partir du essayer de l'ouvrir au grand public qui utilise en masse l'email ou même s'orienter vers peut-être le monde de l'entreprise et tout ça, et ça a pas du tout été la politique de Google qui s'est enfermé en fait dans le monde geek, les bêta testeurs qui voulaient tous avoir leur clé. Et je pense que là ça a été un des points négatifs. Après donc ça, c'est tout ce qui est la campagne de publicité autour. Mais est-ce que finalement, de toute manière, même si la campagne avait été mieux réussie, est-ce que c'est pas un service qui a pas encore sa place dans l'Internet de nos jours et qui... Vous en pensez quoi? Par exemple, votre utilisation de Google Wave, en dehors de l'utilisation qu'on a en commun, qui est celle de la préparation des podcasts, est-ce que vous l'utilisez? Sur l'utilisation, tu disais par rapport au mail, je pense que c'est un point super important, c'est que Google Wave, en fait, il n'a pas d'équivalent dans la vie réelle. Le mail, c'est vraiment la copie conforme du courrier. C'est vraiment, donc les personnes peuvent se rattacher au concept, ils disent, ah bah oui, c'est comme le courrier en vrai, sauf que voilà, on l'écrit sur l'ordinateur. Tout de suite, ils comprennent, il n'y a pas besoin de leur expliquer, ils sont familiers en fait avec le concept. Google Web va chercher pareil dans la vraie vie, c'est vraiment très compliqué. Et je pense que Bah, le finalement, c'est une côté feuille de papier rationnel et blanche, hein. réel apporte énormément pour les personnes et il est trop, trop. Enfin voilà, c'est pas compliqué, c'est que voilà, il est trop virtuel, disons. Trop virtuel, mais finalement c'est basé sur quelque chose d'encore plus simple que l'email qui était basé sur lui-même le courrier. Là, c'est basé sur une feuille blanche avec t'as plusieurs personnes autour d'une table avec une grande feuille blanche et chacun écrit tout ce qu'il veut, gomme, écrit par-dessus les autres. Je comparerais ça plutôt que la feuille blanche avec un tableau Velleda. Oui, voilà, c'est l'équivalent. C'est une zone en fait de brainstorming, mais ça existait déjà avant. Il y a l'équivalent dans le monde réel. Enfin, Oui, mais pas pour. C'est plus, tu sais, quand tu es en réunion, des choses comme ça. Et justement, Google Wave a marché. Disons qu'il a trouvé un certain public dans ce domaine-là. Je vois par exemple certains podcasteurs, donc Jérôme Kainborg, qui apparemment est très fan aussi comme nous. Lui, il a trouvé il a trouvé Google Wave, disons quoi. Il l'apprécie vraiment et il fait vraiment toutes ses préparations, ou beaucoup du moins de préparations comme ça, quoi. Mais alors, est-ce Et qu'on ben. peut considérer que ça, par exemple, c'est le milieu professionnel ou c'est pas, ça reste pas dans le milieu geek? Moi, je pense que ça reste dans le milieu geek, même si là, en l'occurrence, NoWatch, on peut quasiment le considérer comme professionnel, mais vraiment, aucune entreprise n'a adopté pleinement le concept. Ça, il n'y a pas eu de. Enfin, voilà, et ça n'a pas été ouvert aux deux publics, le grand public et le monde de l'entreprise, qui ont été pourtant, qui auraient pu être vraiment. Vraiment concerné par ce produit, quoi. Bah, voilà, je pense qu'on peut. Ça va permettre, moi, d'enchaîner là-dessus. C'est-à-dire que, oui, en tant que produit, peut-être qu'on a justement trop d'alternatives. On a des messageries instantanées, on a des chats, on a des choses comme les Google Documents. Donc, en fait, on commence à se perdre peut-être un petit peu. Et les gens n'avaient pas besoin d'un énième outil, en fait. Je pense qu'ils avaient besoin peut-être de technologies en plus, mais peut-être pas d'un outil à part entière, d'un outil en plus. Et je pense que Google Wave a bien rempli son rôle, puisque l'écriture, lettre par lettre, qu'on voit apparaître au fur et à mesure, ce genre de choses, bah, ont été incorporées dans Google Doc. Donc finalement, toutes ces technologies ne sont pas perdues. Elles ont été bah, voilà, mises. Donc finalement, Google Wave continue à vivre à travers les autres. Ouais, mais alors, enfin, oui, vraiment, C'était une vitrine technologique, finalement, de ce que le co collaboratif, pardon, peut faire, je pense. enfin, les alternatives, je vais y revenir, mais juste pour en revenir à l'utilisation même du produit, quand tu disais c'est un énième produit qui ne fait que ce que les autres font, oui. Mais justement, il regroupe toutes ces utilisations. Et ça aurait très bien pu être cet outil qui permet de centraliser un peu donc voilà l'organisation d'événements, tout ce qui est pour les projets scolaires ou professionnels, la préparation des podcasts pour nous, enfin tout ça, ça aurait pu être un outil vraiment qui permettait de centraliser justement toutes ces utilisations. Et Oui, tout à toi, fait. tu le considères comme un énième produit, mais ça aurait pu être le produit justement qui rassemble tous ces autres concepts qui sont finalement assez proches. Tu vas pas être content du tout avec moi parce que je suis complètement d'accord. Mais le problème, c'est que en côtoyant des personnes qui sont pas du tout dans le côté technologique ou internet ou ce genre de choses, j'ai remarqué qu'elles aiment bien avoir chaque chose fait une ou deux choses, mais pas trop quoi. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que par exemple, le téléphone portable. Mais pas de musique dessus. On a à côté un baladeur qui fait de la musique. Tu vois ce que je veux dire? Et j'ai été étonné de voir vraiment une réticence. Moi, je lui disais, mais il y a une SD de 8 gigas, t'as 16 gigas dessus, alors que tu sais, il est consommé plus qu'à peine 1 giga. J'ai dit, tu as largement la place de mettre la musique. Non, non, je préfère avoir mon baladeur à côté. En tant que enfin, utilisateur de smartphone et tout, je me suis acheté un nouveau lecteur multimédia et je préfère avoir mon baladeur à côté de mon téléphone aussi. Et pourtant, je suis Voilà. pas un noob. Mais alors, ce qui Non, est. non, Ouais. c'est vrai que je te donne l'exemple, enfin, que j'ai remarqué, mais oui, il y a aussi des gens Ouais, mais ce là-dedans qui. qui aussi apprécient avoir les deux, mais souvent j'ai remarqué en tout cas que les outils de façon séparée, avoir des frontières entre, c'est quelque chose que beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes apprécient. Alors Donc. que le monde, finalement, le monde des, enfin, les entreprises et le monde des technologies qui fournissent ces produits, justement, tendent à ce que ces produits se rassemblent. Donc, c'est, de toute manière, ça, il va falloir que l'utilisateur s'adapte. Parce que ça tend à devenir. Enfin, l'iPhone est un très bon exemple parce que c'était le premier à regrouper la fonction iPod. Enfin, oui, c'était pas le premier, mais à vraiment incorporer deux services différents. Bah, enfin, les smartphones du lecteur MP3, donc. Ouais, enfin, les smartphones du manière générale sont l'exemple parfait du regroupement entre le téléphone, l'ordinateur, la cafetière et tout le bordel. Et du coup, enfin, c'est ça qui est étonnant, c'est que les entreprises tentent de créer des produits qui rassemblent tout ça, mais les utilisateurs, par contre, cherchent à s'éloigner de ça et à avoir chaque produit vraiment distinct pour chaque utilisation distincte. Et ça je comprends. Enfin, c'est ça qui est étonnant. Et c'est pour ça, peut-être, que aussi Google Wave n'a pas marché, effectivement. Mais je pense qu'il y a peut-être aussi un petit refus de changement trop rapide, parce que la technologie, on est bien situé, on le remarque très bien, ça change extrêmement vite. Et les gens, au niveau du public général, ils ont peut-être pas envie, voilà, d'avoir des changements réguliers, et c'est pour ça qu'ils sont plus réticents. Et nous, c'est que de la technologie, enfin, moi je sais que je suis premier à tester des bêtas et à m'éclater dessus, mais c'est des choses que, voilà, le public classique, disons, ils s'en fichent, quoi. Eux, ils veulent utiliser leur truc, que ça plante pas, que ce soit rapide, et puis c'est tout, quoi. Ils veulent pas du tout des nouvelles fonctionnalités spécialement, tu sais. C'est des choses qui sont vraiment complètement en différence, en fait. Je suis d'accord, mais seulement qu'ils ont pas l'impression d'en avoir besoin, ils vont pas aller dessus, ils vont voilà. pas tant que tout, pas y penser, tout leur forcément. Convient, ils vont pas aller à côté. Ouais, mais alors à partir du moment où moi je suis rentré dans le monde Google Wave, même si personne ou très peu de gens le trouvent, moi maintenant c'est devenu un outil qui, là, pour le coup, j'ai trouvé une utilisation à ce produit. Et qui va me manquer quand il sera plus là. Et donc, exactement. Non, mais donc ça, c'est devenu. Effectivement, quand on l'a pas, on trouve pas encore le manque, mais quand on l'a utilisé et que l'expérience a été fluctuante, il s'avère qu'on peut pas le quitter. C'est vraiment un outil qui permet des choses que l'email ne permet pas ou que d'autres services ne permettent pas. Et en fait, on découvre une nouvelle manière de travailler et de communiquer. Moi, je pense que ça va être un retour en arrière et que on y arrivera, mais dans beaucoup plus longtemps et avec beaucoup plus d'étapes. Google Wave, c'est juste, ça a été un saut en avant et on y retournera, mais pas maintenant, quoi. Et quelle fonctionnalité, disons, est-ce que t'as plu vraiment? C'était quoi la fonctionnalité qui vraiment faisait que pour toi c'était unique un petit peu comme produit? C'est le partage de l'information. Enfin, c'est vraiment le partage complet de tout ce qu'on produit et justement le fait que la modification sans limite aussi. Le partage va jusqu'au point où c'est pas uniquement un commentaire que la personne met en bas. C'est elle interagit avec ton idée, elle a fait évoluer de son côté. Toi, tu vois l'évolution en direct. Tu peux réagir en même temps et enfin ça évolue tellement plus vite avec Google Wave. Il y a aucun autre outil sur via un ordinateur qui permet de développer une idée aussi vite que sur Google Wave, à mon avis. Le mail, c'est fade, c'est des idées qui se répondent. Google Wave, c'est un, je sais pas, c'est vraiment, c'est, pour moi, c'est, tu lances, par exemple, c'est très très simplement la version 2 du podcast, on a commencé à travailler avec justement Will Nock, que je remercie, sur la fonctionnalité secrète dont je vous avais parlé dans un article sur le blog. Ça a été pour moi un délice de travailler là-dessus, parce que ça, c'était vraiment, je suis parti d'une idée de base et on a tous mis nos, enfin, c'était vraiment impressionnant la vitesse à laquelle ça s'est développé. Et finalement, on n'a pas eu besoin de beaucoup de temps pour se mettre d'accord sur le principe et sur l'évolution et à donner à la fonction. Et voilà. Et ça, on aurait, par email, ça nous aurait pris, ça nous aurait pris. Ça aurait été une horreur. J'ose même pas imaginer par email. Là, ça a été ultra rapide. Finalement, très clair. Même si la wave, quelqu'un d'extérieur maintenant rentre dedans, comprend absolument rien. Mais pour nous, on connaissait. Voilà, j'ai eu du mal le premier jour, je suis arrivé avec quelques jours de retard dessus et. Ouais. J'avais le temps de tout lire. Mais c'est vrai qu'une fois que quand ta wave, tu la connais, t'as évolué avec ta wave, Enfin, je sais pas, moi, c'est vraiment une relation particulière Mais que pour j'ai. l'instant, je connais rien de mieux. Ouais. Et Voilà, je... bah, Dis-moi. est-ce que. Parce que finalement, maintenant sur Google Doc, ils ont incorporé donc pas mal de choses et on peut maintenant donc on voit, tu sais, l'écriture en temps réel, ce genre de choses. On peut travailler sur le même document. Est-ce que maintenant tu penses que tu peux t'en séparer, sachant que le seul maintenant point qui va être un petit peu comment dire différent, il y en a deux disons, c'est qu'on peut un petit peu moins chatter, c'est-à-dire qu'on peut plus faire une bulle par une bulle comme sur une messagerie instantanée, mais je pense que c'était pas le meilleur outil Google Wave pour le faire. Et le deuxième point, ça va être tout ce qui est un peu commentaire, tout ce qui est autre chose, enfin autre chose, tout ce qui est à côté, qui est pas vraiment finalement le document lui-même, mais c'est des petites annotations, ce genre de choses. Et bien ces fonctionnalités-là, en fait, elles sont un petit peu intégrées maintenant dans Google Documents et avec un Google Chat ou un Skype à côté, je pense qu'on peut retrouver choses. Sans trop être lésé finalement. Mais Je sais pas ce que juste, tu en penses. ouais, mais alors juste Ouais, maintenant mais que tu vois, tu. tout de suite, on va être obligé d'avoir deux outils plutôt qu'en avoir qu'un seul. Comme tu disais, pour avoir un peu la discussion qu'on avait souvent en bas des waves, on avait quelques bulles, on va être obligé d'avoir un Google Talk à côté, donc c'est-à-dire d'être connecté en même temps. Et surtout, ça va pas vraiment rester au milieu du document. Ça va être On n'a moins pas de trace de pratique. la Et ce discussion. qui va me manquer le plus, je pense, c'est le coup comme tu dis, des annotations et des commentaires. Ça, c'est vraiment un truc. Il faut qu'ils le mettent. Voilà. Alors, C'est vraiment ce qui va me on peut manquer le le dire plus, quoi. pour les personnes peut-être qui sont pas familières avec Google Wave. C'est vrai que si vous écrivez donc par exemple une adresse URL avec une description, si vous voulez pas encombrer votre document finalement, vous pouvez donc double-cliquer et faire une réponse. Et en fait, ça va s'afficher avec un petit plus ou un petit moins, comme sur l'Explorer dans Windows ou dans Mac, vous savez. Et en fait, ça va cacher le commentaire. Et si vous voulez voir qu'est-ce que la personne a écrit, hop, vous appuyez sur le petit plus, ça déroule et vous voyez et vous pouvez même avoir carrément une petite conversation en commentaire comme ça. Donc ça, c'était une fonctionnalité qui était vraiment très très intéressante dans Google Wave. Mais donc justement, moi je me suis un peu renseigné sur les alternatives possibles quand j'ai appris la mort de Google Wave. Donc effectivement, il y a Google Docs avec l'outil de partage qui a été donc vraiment implémenté et qui a récupéré pas mal de choses de Google Wave. Donc à condition qu'il récupère peut-être effectivement les commentaires et tout ça. Quoique moi j'aimais bien, finalement j'avais vraiment... Là, pour le coup, deux utilisations différentes. Je continuais à utiliser Google Documents et Google Wave, et j'aimais bien, pareil, là, l'utilisation distincte. Donc, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, deux outils distincts que j'aimais bien garder avec chacun leur utilisation. Mais bref, donc Google Docs pourrait se trouver en alternative si l'outil de partage est encore plus évolué. Mais sinon, j'ai regardé un peu, et il y a une application, enfin un site qui propose plus ou moins le même service qui s'appelle ShareFlow. Donc Sharefflow. Voilà, je pense que c'est celui qui a le plus récupéré de Google Wave et qui peut sûrement se mettre en alternative. Après, j'ai réfléchi et en fait, quand on y repense, Google Wave reste quand même un service open source. Donc peut-être que je sais pas s'il est complètement ouvert ou s'il va être complètement ouvert à sa fermeture. Tu as piqué en fait mon petit argument. Oui, voilà, ce que je voulais dire, c'était que bah Google Wave en fait reste open source. Il l'a été dès le début. Donc c'est quelque chose que si vous voulez vous faire un petit serveur, alors bon, évidemment, faut vraiment s'y connaître là-dedans. Mais c'est vrai que si vous vous connaissez, bah vous pouvez récupérer le code source et finalement faire tourner un petit serveur web chez vous, si vraiment c'est quelque chose qui vous tient à cœur, ou même peut-être contribuer au code pour je sais pas, peut-être un jour, qui sait, peut-être qu'il y aura un Google Wave 2 qui sera peut-être mieux intégré Et du dans tous les coup, services Google. voilà, moi ce que je voulais dire par rapport au côté open source, c'était peut-être qu'on pouvait avoir l'espoir d'une récupération du concept par une autre boîte suffisamment importante pour fournir une bonne infrastructure, donc un serveur global, et peut-être même du coup un développement derrière et une équipe qui permette d'alimenter le enfin de d'ajouter les nouvelles fonctionnalités au fur et à mesure. Donc voilà, le fait que ça soit open source et que le code va être complètement libéré, je crois, à la fermeture de Wave, on peut se dire peut-être qu'une entreprise suffisamment importante pourra faire perdurer le produit, quoi. Personnellement, je l'espère vraiment. D'avoir une alternative, mais la même, avoir la même chose, Ouais, basé ça sur le m'intéresse pas même. vraiment de passer à Google Doc pour le moment. J'ai pas encore essayé, c'est ça, je sais pas si ça va me plaire, mais j'ai vraiment pas hâte de devoir passer à Google Doc. Et enfin, personnellement, je voudrais qu'on utilise Wave tant qu'il est ouvert. Ah oui, non, ça c'est sûr, on va l'utiliser, mais si une entreprise suffisamment importante peut le récupérer, ça serait vraiment le meilleur des cas. Et j'aimerais même Je pense que. qu'on pourra s'en sortir quand même avec Google Documents. Hein. Je pense qu'il faut pas être trop pessimiste. Je pense qu'on arrivera à s'en sortir. Il y aura juste vraiment le côté annotation et peut-être un peu plus chat qui va falloir gérer peut-être plus voilà, sur un Google Talk peut-être ou sur Skype. Mais du coup, moi, ce que j'aimerais bien finalement, c'est que donc si l'entreprise récupère le concept, qu'elle arrive à le faire évoluer et qu'elle arrive à en faire quelque chose vraiment d'important, ça me ferait vraiment plaisir que Google se morde les doigts d'avoir lâché leur bébé trop tôt parce que et que ça fonctionne mais chez quelqu'un d'autre, parce que vraiment c'est là, je trouve que c'est une grosse erreur de la part de Google de l'avoir abandonné. Je trouve qu'ils ont baissé les bras assez rapidement finalement. Je suis assez déçu sur ce point-là. Bah oui, en parlant de Google Docs, c'est vrai que alors normalement, je crois qu'il y a des plugins, enfin les add-ons qui sont alors pour l'instant, c'est pas officiel, je crois, mais qui permettent de transférer donc des waves complètement sur Google Docs pour si vous avez des informations assez importantes pour vos projets, ce genre de choses. Et je crois, je suis pas sûr là-dessus quand j'avais lu le blog sur leur post le post sur leur blog, pardon, officiel qui vont sortir un plugin officiel justement. Donc ils vont essayer de faire ça, en fait de proposer une migration, une sauvegarde de ces données. Ouais, après Donc faudra au voir moins l'état de la du ils ferment tout, transfert. mais ils disent bon bah vous pouvez garder quand même vos infos parce que c'est quand même on a quand même travaillé dessus quoi. L'état de la mise en forme après le transfert me paraît un peu. Je vois pas comment ils peuvent. Enfin, c'est un format très particulier quand même, une wave. Le faire passer sur un Google Docs, même s'il a l'option de partage, le faire passer en Google Docs, c'est quand même une page fixe. Ça va perdre 99% du principe, quoi. Mais bon. Enfin, voilà, en tout cas pour Google Wave, bah c'est un peu notre grande déception, je pense. Et Complètement. en espérant que quelqu'un va récupérer le bébé et en fera quelque chose et que Google s'en mordra les doigts, quoi. Parce que là, je pense qu'il faut. Lance-toi, Mathieu. Ah, mais je vais lancer une entreprise là, ça y est. Je suis chaud. Google Avec tout ce Wave de qu'on gagne retour. avec les produits du web, c'est ça? Exactement. Donc, bah justement, pour continuer à gagner énormément d'argent avec les projets du web, on travaille beaucoup beaucoup dessus en ce moment. Donc, on vous en a déjà parlé un peu des nouvelles fonctionnalités qui vont arriver avec la version 2 du podcast. Donc, on a énormément de boulot dessus. On a donné une date aux alentours du 15 septembre, sachant que en plus c'est une période un peu compliquée étant donné que moi personnellement je déménage et tout ça. On va essayer de faire notre maximum pour respecter cette date, mais c'est vraiment vraiment pas sûr. Donc voilà. Et justement pour vous tenir informé de l'avancement de tout ça, on a essayé au maximum de se développer sur les réseaux sociaux parce qu'on n'était pas tant présent que ça finalement, ou chacun avec nos comptes privés. Donc on a lancé des comptes sur un peu tous les réseaux sociaux importants. Donc Lucas, toi tu t'occupes du compte Twitter, donc je te laisse l'énoncer. Ça va être tout simplement les projets du web en photographe. Voilà, donc les projets du web tout attaché. Et donc ça c'est le compte Twitter et donc finalement vous pouvez si vous souhaitez nous parler à tous envoyer un message. C'est Lucas qui sera derrière le compte mais on sera Ouais, tous je tenus. transmettrai au fur et à mesure, vous inquiétez pas. Exactement. Et c'est finalement la même chose ou quasiment sur Facebook, mais là cette fois-ci c'est William qui s'en occupe. Et oui, Donc bah, je vais m'occuper donc de la page les projets du web, donc pareil, sur Facebook. Voilà, tout simplement. d'accord. Donc en fait voilà, vous aurez des actualités qui seront en plus pas forcément les mêmes partout, des petites des infos en plus, des news dont on pourra pas forcément parler directement dans les épisodes ou des news entre les épisodes. Ça sera William et Lucas qui seront là pour vous régaler de petites infos tout le temps en fait, tous les jours quand vous manquerez tous les 15 jours de passer déjà. On va essayer de pas faire de doublons aussi entre Lucas et moi. On va essayer d'avoir des infos un peu séparées entre le Facebook et le Twitter. Voilà. Comme ça, ce sera plus cool pour vous. Évidemment, les infos importantes, vraiment, enfin importantes, je dis pas que les vôtres le seront pas, mais les infos vraiment du podcast en tant que tel sont toujours sur le blog, donc lesprojetsduweb.fr, sachant qu'il y a évidemment les notes de chaque émission que vous pouvez suivre. Si, par exemple, vous n'avez pas retenu les adresses qu'on a évoquées aujourd'hui, vous avez la possibilité de retourner sur le blog. Il y a tous les liens. On est aussi disponible sur iTunes, donc les projets du web. Vous pouvez toujours, bon ça n'a pas trop de succès, mais nous contacter au téléphone pour laisser un message qu'on fera passer à l'antenne, si je puis dire. Ou par Skype, donc téléphone c'est 01 77 45 50 96, Skype c'est comme toujours les projets du web tout attaché, et puis voilà, je crois qu'on a fait le tour. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires sur iTunes, sur le blog et tout ça. Donc maintenant on va espérer et on va essayer de tout faire pour se retrouver le 15 septembre tous en forme et peut-être si possible en live. Donc voilà, on va maintenant devoir se quitter après une émission finalement assez longue parce qu'on arrive à 1h40 d'émission. Donc voilà, la dernière émission qui n'était pas en live. J'espère que vous avez apprécié en tout cas cette première saison. Je parle aux auditeurs, mais finalement je vous pose aussi la question à vous, William et Lucas. Mais pour la moitié de saison que j'ai fait, ouais, c'est vraiment une bonne expérience. Et arrêter de continuer. Ouais, et puis la saison 2 promet quand même pas mal de choses. Je vais apprendre à me préparer mieux avant les épisodes. Et William, toi, t'as peut-être un mot à dire pour la fin de saison. Ça a été assez mouvementé pour nous, parce que c'est vrai que je t'ai rejoint, je crois que c'était à l'épisode 3, puis après t'as dû partir un petit peu pour tes études, et après finalement Lucas, ensuite tu es revenu, donc ça a été très chamboulé pour moi. Ouais, c'est une super expérience, ça a été super amusant de le faire tout seul avec une autre personne. Maintenant on se retrouve enfin tous les trois et j'espère que ça va continuer sur la saison 2. Ouais, donc bah, là déjà ça commence à avoir repris un peu forme depuis qu'on est tous les trois, et alors on peut déjà par contre vous promettre que ça va être vraiment vraiment quelque chose de plus abouti encore pour la saison 2. On bosse vraiment énormément dessus. Et donc voilà, on espère que vous serez nombreux à nous suivre pendant les lives, à nous écouter depuis vos petites oreillettes de lecteur MP3. Et du coup, on vous dit à dans 15 jours, ou du moins une quinzaine de jours si possible. On va faire notre maximum. Salut William, salut Lucas, et puis salut à tous. Salut vous deux. Salut tout le monde. Au revoir. Des sites qui s'étaient basés sur le principe de Google Wave, je pense que c'est celui qui a le plus à... Je suis sur Windows. Windows. Mets-le à la fin de l'épisode. Ouais, je vais le mettre.